Bon, rendez-vous dès demain, en tout cas 20h. À demain. Et Mickaël, là, qui débarque sur Fun Radio. Salut Mickaël. Ça va, on essaie de se débarrasser du string de Toff, hein, si vous voulez. Hein. Ah, mais il porte des string Toff. Ah, bah bien sûr, évidemment. Ça se sent, ça se voit, je sais pas pourquoi, mais c'est... il le porte sur lui. Hein. Exact, mais Léopard, attention. Et ça le rend sexy. Mais évidemment, évidemment. Si le doc le veut, pas de problème, nous si on peut rendre service. Non, ce sera pas doc, utile. Ah, bon, bah, tu vois, moi j'essaie de faire un je cadeau. Te, je te le laisse, Mickaël. Oh, écoute, ça ira, c'est gentil, j'ai déjà vas-y, le mien. Vas-y, on peut te prendre en photo avec si tu veux. D'accord, pas de problème. Alors, on fera ça avec, avec Karel. Hein. Oui, on mettra, oui, on fera une belle photo, tiens, pour la rentrée, elle va être cool la photo. Exactement, ouais. Fun Radio à la rentrée, c'est ça. Exactement, ouais. Oh là là, on est au top. On est au top. Bon, bah, bonne soirée à tout le monde. Bonne émission. Allez, rencard demain avec Levin Fun à partir de 20h sur Fun Radio. Et puis, bah, nous, on est parti là jusqu'à 2h du mat. C'est Mickaël No Limit. Bonne soirée, ciao. Mickaël No Limit. Tous les soirs, 23h, 2h sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Bonsoir à tout le monde. Bon bah j'espère que vous allez bien aujourd'hui là. J'espère que vous êtes au taquet. En tout cas ça fait plaisir de vous retrouver en direct de plus en plus nombreux hein, si on en suit ce qu'il y a marqué sur Facebook, Twitter, etc. et Instagram. Ça fait plaisir que vous soyez là chaque soir de plus en plus nombreux. Merci à vous pour les nouveaux qui nous rejoignent. Alors ce soir moi c'est Mickaël comme d'habitude évidemment pour vous servir jusqu'à 2h du mat. À ma gauche 1m60, 45 kg, 85D. Sandro qui vous répond hein, au 01 42 48 5000 et au 02 851 4x0 des mensurations de rêve. Qui sont pas les bonnes mais. Ah bah ouais mais si attends c'est ça 1m60 45 kg 85 c c'est pas c'est ça pas du tout ça. Ah merde elle est bien ah pardon plus bonne que ça, en vrai. 1m45 60 kg c'est pas ça ça non plus. Et 115A. Non c'est ah merde pas bon ça, bah on est dans le milieu quelque part par là quoi hein, cherchez pas plus loin. Bref si vous voulez l'appeler vous pouvez y aller évidemment prenez le contrôle de Fun Radio jusqu'à 2h du mat. 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0 à ma droite 200 kg de conneries pour 1m20 de bêtises c'est off ça. Bah lui par contre on a bien misé. C'est, hein. C'est les bonnes là, il n'y a pas de. Ah ouais, là je pense que là en termes de bonnes on est au taquet évidemment. Et puis alors, au milieu. Si m'appeler, non ouais, au milieu la future révélation des victoires de la musique. Polo avec son pipeau bien sûr. Musique. Voilà ce grand talent qui est avec nous et qui nous fait l'honneur d'être avec nous tous les soirs. Et merci. Merci monsieur Polo, évidemment, parce que maintenant il fait partie d'un orchestre, hein, il faut le savoir. Ouais. C'est un grand musicos, comme on dit, exactement. Bon, si vous n'étiez pas là hier, eh bien vous avez encore raté du très très lourd avec Toff, hein, qui s'est fait de nouveaux amis asiatiques. Très sympathique. Ah oui. Ah trop sympathique. Ah ben super top hein. Oui, ça va te faire enculer fils de pute. Voilà, donc on les a appelés, ça a donné ça, donc vraiment sympathique effectivement. On a eu aussi un chéri, je peux te faire cocu d'une violence extrême. Alors écoutez pour ceux qui n'étaient pas là hier soir. Tu vas revenir, je vais te péter ta gueule, je vais te préparer tes affaires et tu vas dégager. Tu vas veiller sur tes parents et puis là tu vas comme une couleur et j'entends une grosse pute en train de parler derrière toi et en plus elle prend le téléphone. Mais c'est qui ça? Voilà, on n'a pas eu l'occasion d'en placer une en 10 secondes. Hein. Il faut quand même le savoir. On n'a pas coupé l'extrait, hein. On l'a juste isolé, mais je veux dire, on n'a pas coupé dedans. C'était vraiment réel quoi, réel comme ça. On se le remettra tout à l'heure et si vous voulez participer d'ailleurs au prochain chéri, je peux te faire cocu, et ben allez-y maintenant, vous pouvez me faire un petit mail mikael@funradio.fr et puis vous pouvez aussi vous inscrire via le Facebook si vous le souhaitez. facebook.com/mikaelofficiel. Et puis comme tous les mardis on va jouer à la rupture. Si vous ne connaissez pas encore la rupture, ben, le principe est simple. On appelle quelqu'un au hasard et vous devez rompre avec lui et vous devez rester le plus longtemps possible. Record à battre assez improbable hein, puisque c'est Priscilla, si mes souvenirs sont bons, la semaine dernière. Qui avait réussi à faire 7 minutes. Un truc improbable. Je vous rassure, faut pas battre 7 minutes. Le concept c'est que vous êtes deux auditeurs en même temps à l'antenne et c'est celui, l'un des deux qui fait le plus longtemps qui gagne. Hein. Si vous faites une minute et que l'autre fait 50 secondes, bah y a pas de problème, vous gagnez quand même. Il faut pas faire plus de 7 minutes, je vous rassure tout de suite. Voilà, donc si vous voulez participer, eh bien on jouera tout à l'heure là 01 42 48 5000. Vous appelez dès maintenant Sandro au standard ou pour la Belgique 02 851 4x0. Alors ce soir j'ai aussi une grande question que je voulais vous poser. Alors soyez honnête hein. Je sais que Toff c'est difficile mais soyez honnête. Voilà. Je vais essayer d'apprendre. Bon, est-ce que vous avez déjà été au téléphone pendant que vous faisiez l'amour? Appelez-nous aussi si vous avez déjà fait du fac phone par exemple hein, et si vous l'avez vécu justement aussi 01 42 48 5000 ou pour la Belgique 02 851 4x0. Est-ce que vous avez déjà été au lit avec votre copain, votre copine et puis tout d'un coup le téléphone sonne, vous décrochez ou alors bah vous avez décidé de décrocher tout simplement ou d'appeler votre mère, j'en sais rien. Ouais, vous faites je vais manger le poulet demain, hein, t'inquiète pas maman. Chaud, hein. Non mais tu vois, on sait pas t'as justement. Ta mère comme ça on peut en plein débat. Toff, t'as déjà fait toi le fake phone? Bien sûr. Moi j'ai déjà fait l'amour. Attends. Non, t'as... Oh, je remets un peu la tête droite là, ça, parce que ouais c'est mieux, parce que t'avais pas mis de gel là ce matin, les cheveux t'étaient pas. Oui, je comprends. Maintenant ils sont cramés, donc c'est mieux finalement. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc t'avais déjà fait. Oui, ça fait torche, c'est mieux. T'as déjà fait donc avec le téléphone. La meuf était au téléphone avec quelqu'un. Ouais, mais toi tu l'as fait pour l'emmerder, c'est pas volontaire, elle a pas décroché juste pour le plaisir. En fait, elle était déjà au téléphone et ça me cassait les couilles, et donc. D'accord. Donc j'ai commencé, puis on a fini pendant que t'étais au téléphone. C'était très bien. Polo ? Non, jamais. Sandro, déjà fait l'amour pendant que t'étais au téléphone ? Je crois pas. D'accord, ou l'inversement, hein, téléphoner pendant que tu faisais l'amour, ça marche aussi. Hein. C'est la même chose, non ? Non, c'est pas pareil. Enfin, il y a une différence, j'expliquerai tout à l'heure. Bon, bah dites-nous si vous avez déjà fait ça, n'hésitez pas évidemment sur le Facebook, le Twitter, venez donner votre avis. Et pareil, hein, vous appelez le standard 01 42 48 5000 ou pour la Belgique 02 851 4x0. On fait un tour du côté du standard maintenant avec Amandine qui est avec nous. Bonsoir Amandine, t'appelles pourquoi ? Pour j'ai un petit souci, comme quoi je suis amoureuse du copain de ma meilleure amie. Ah ça va foutre la merde, ça, effectivement. Bon, je sens qu'il va y avoir de l'appel ce soir à mon avis là. Amandine, reste avec nous. On a Valentin également là. Bonsoir Valentin, t'appelles pourquoi ? Et toute l'équipe. Alors, salut. Moi, je suis là un peu pour parler de mon personnage et de ce que je fais sur YouTube. Voilà. D'accord, ok, très bien. Bah écoute, bouge pas, on va faire ça dans un instant, il n'y a pas de problème. Et puis Grégory également qui est avec nous là des Landes. Salut Grégory, t'appelles pourquoi ? Salut, j'appelle parce que je me masturbe une dizaine de fois par jour et je voulais savoir si tu conseilles. Exactement, on avait terminé l'émission avec toi hier soir, on avait plein de réactions qui voulaient te donner des conseils. On va faire ça dans un instant, tu restes avec nous Greg. Ouais, pas de problème. Bon, parfait. Et puis on a aussi évidemment du son ce soir, hein, parce que attendez, je suis pas venu les mains vides. Je vous cale dans un instant Calvin Harris. Ouais. Calvin Harris avec I Need Your Love, ça te fait kiffer ça Amandine ou pas ? Oui. Calvin Harris, ou alors tu préfères Axwell par exemple ? Moi je préfère Axwell. Tu préfères Axwell toi, d'accord ? Ou alors il y a aussi Jason Derulo. Moi je préfère Animals. Tu préfères Animals de Martin Garrix ? Ah oui. Très bien, bon, on te le mettra tout à l'heure sans problème Amandine. Ah, merci beaucoup. Avec plaisir, écoute, il n'y a pas de problème. Si vous voulez choisir vos titres aussi, n'hésitez pas. Hein. Même ceux que je vous ai pas mis là, par exemple, vous pouvez en choisir d'autres hein, si vous voulez. Vous mettez le hashtag Mickaël et vous envoyez le tout sur Twitter. D'ailleurs, on va saluer tous ceux qui sont déjà connectés hein, sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Il y a Yaya qui dit du fuck phone, mort de rire. Bah, ça existe. Hein. Enfin, on a inventé le mot, mais bon. Il y a Laure aussi qui dit mais oui, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà fait l'amour au téléphone, mais sinon, on m'a pas interrompu. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Kikiria qui dit super contente de vous retrouver, vous m'avez trop manqué. Oh, bah, on était là hier en même temps là Kikiria, mais c'est gentil quand même. Kimi qui lit à fond sur ton émission jusqu'à la dernière seconde, alors je croise les doigts sur le Galaxy. Ah ouais, il y a un Samsung Galaxy aussi à gagner si vous voulez tenter votre chance là. Rencard sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Pablo qui dit Mickaël on est à yes, encore une bonne soirée jusqu'à 2h du mat. Évidemment que la soirée sera bonne. Oui, ça va te faire enculer fils de pute. Voilà, elle sera au taquet. DJ Kylian aussi qui dit tu as rechargé ton lance-flamme pour ce soir. Bah attends, on va réessayer, je l'avais déjà essayé, mais attends, je vais essayer sur la tête de Toff pour voir ce qui se passe là. Ah mais c'est parfait là. Ah il est mieux là. Voilà, il est bien là. Là il est pas mal. Le lance-flamme est au taquet, rassure-toi. Yaya aussi qui dit yes, premier pipo de la soirée. Bah, on verra ça. Abby aussi, très belle description. Et sans oublier toi le roi de la radio. Oh merci Abby. Not Perfect aussi qui dit vive Polo et son pipo. Et également DJ Kylian qui dit on va bien s'éclater ce soir. En tout cas, on va tout faire pour. Et Gilles également qui dit salut à vous toute l'équipe. Merci. Et bah bisous à tout le monde. On salue d'ailleurs tous les nouveaux là. Il y en a beaucoup qui sont arrivés aujourd'hui là sur le Twitter de l'émission. Il y a Julien également, il y a AD8, il y a Cisrémy, il y a Niro, il y a Mead, il y a Franck également. Oh, un vieil ami est avec nous ce soir, c'est cool. Power également, GG, Léo, Thomas, Laura, il y a Julien, je l'avais déjà dit, Romain, Victoire, Losange, Étienne, Paul, etc. Il y a Lou, DJ Jonathan, bref, tous ces gens qui sont venus nous rejoindre sur le Twitter de l'émission et que je vais follower également, puisque je vous rappelle le principe, hein, si vous êtes Twittos, vous faites un petit follow, moi je vous fais un follow back derrière, et puis comme ça on peut même discuter en privé, ce que je fais chaque matin d'ailleurs. Hein. Je réponds à tous les messages l'après-midi et le soir aussi dans l'absolu. Donc twitter.com, vous tapez Mickaël officiel et je vous fais un follow si vous me faites un follow également. Pareil sur Instagram, vous tapez aussi Mickaël officiel. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout là. Tout à l'heure on se remettra le chéri, je peux te faire cocu. Et puis bah comme promis, hein, comme je l'avais dit il y a quelques instants, nous ferons d'ici quelques minutes également le jeu de la rupture pour gagner vos cadeaux. À vous de jouer, vous appelez Sandro au standard maintenant. Bon, Grégory, alors maintenant on a un petit peu de temps là, on va pouvoir parler avec toi Greg. Puisqu'on n'avait pas eu le temps hier soir, là, il s'était passé tellement de trucs avec Laetitia là, qui nous avait pris la tête avec son histoire de copain, de copine, de numéro, de 118, 218, tout, tout, YouTube. Enfin bref, c'était une histoire assez compliquée, faut bien l'admettre. C'est vrai, j'invente pas. C'était très compliqué. C'était très compliqué, Grégory, t'as écouté aussi, toi ? Oui, j'ai entendu, oui. Très bien, bon, ben voilà, donc c'était compliqué, on est d'accord, je ne mens pas. Non, non, c'est vrai, oui. Bon, ça me rassure. Bon, alors Greg, toi tu nous appelais parce que tu effectivement te masturbais 10 fois par jour, donc on va en parler effectivement dans un instant, puisqu'il y avait plein d'auditeurs qui voulaient réagir à toi par rapport à ton sujet, Grégory. Donc si vous aussi vous avez tendance à vous masturber assez régulièrement, Toff peut évidemment en faire écho, hein, en faire un témoignage. Mais je peux témoigner, moi je me masturbe très régulièrement. Voilà, donc justement... Encore 5 minutes avant l'émission. Ah, grande classe dans les toilettes de fun, cool. Bon, bah Greg, on va en parler dans un instant, bouge pas de là, les filles, parce que ça peut arriver aussi les filles, hein. Il y a peut-être qui sont aussi accro au sexe. Venez nous en parler, dites-nous, donnez vos avis, appelez-nous, vous êtes les bienvenus, vous prenez le contrôle de fun jusqu'à 2h, 01 42 48 5000, et bien sûr aussi sur le numéro pour la Belgique, 02 851 4x0. Petit panda aussi qui dit petit coucou à mon Toff, et nous on pue par contre, hein. Merci. Oui, moi, petit panda, tu sais quoi, hop, dans ta gueule on va te la mettre. Voilà. Et je serais toi, je lui mettrais un coup de marteau piqueur. Non. Voilà, merci petit panda. Enzo qui dit j'adore le regard de Toff sur la photo que vous avez mise. Ah ouais, comme quoi on est prêt là. Ouais, bah il a un regard de pervers comme d'habitude. Et Florian qui dit mais Portia del Bobo de LOL DJs. On va essayer de taper ça tout à l'heure avant 2h du mat. Si jamais j'oublie, n'hésite pas à me le rappeler. Hein. Et il y a Bogdal aussi qui dit yes, encore une méga soirée avec vous. Et puis Maxime qui dit c'est parti, vive Mickaël. Eh bah ouais, c'est parti dans un instant. Avec le son de Calvin Harris que je vous cale comme promis. Allez, venez nous rejoindre pour choper le Samsung Galaxy également là sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mickaëlofficiel. On discute tous ensemble jusque bah, très tard dans la nuit, hein, tout simplement. Et puis si vous voulez parler avec nous par SMS, ça marche aussi. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. No limit. Mickaël. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, en direct dans toute la France sur Fun Radio, 01 42 48 5000, que vous soyez à Monaco, à Dunkerque, à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse, bref, on est là. Dunkerque. Bah ouais, il y en a aussi à Metz, tout ça, etc. Bref, à Nancy, on est là aussi. Donc si vous voulez parler avec nous, vous êtes les bienvenus, 01 42 48 5000, vous appelez le standard, vous prenez le contrôle de Fun jusqu'à 2h du mat. Il y a Sandro d'ailleurs qui décroche, 1m60, 45 kg, 85 C. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est bonasse. Voilà, c'est ça. Même Polo, il a envie de... Enfin bon, bref. C'est ça. Unreachable aussi qui dit bien sûr que les filles peuvent être accro au sexe. Ah bah très bien, bah, laisse ton numéro, Julie, on va te rappeler là. Marie aussi qui dit Mickaël, il y a moyen que tu fasses une dédicace à la Ultra et ma pupus d'amour. Bah écoute, voilà, hein, c'est fait comme ça au moins. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message? Marie qui dit Mickaël, je viens de le lire. Laetitia qui dit super comme émission, on passe de bonnes soirées en vous écoutant. Merci Letty. Et puis Kevin qui dit bonsoir à toute l'équipe, mettez le feu. Et ben c'est prévu. Et Mickaël aussi qui dit un petit concert de Pipo ce soir dans l'émission. On va voir ce qu'on peut faire, mais ça devrait effectivement débarquer tout à l'heure. Allez, bonne soirée tout le monde. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur le Twitter également. Je vous fais un follow back si vous me faites un follow tout court. Vous le venez simplement en tapant Mickaël officiel sur Twitter. Et puis on s'écoute Calvin Harris maintenant. C'est I Need Your Love sur Fun. I need your love. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Ah, c'était hier, là, le petit coup de la petite asiatique, là. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Qu'est-ce qu'on a rigolé hier soir, là. C'est énorme. Et vous aussi, apparemment, vous êtes nombreux à dire, ah ben, rappelez-les, rassurez-vous, là, on essaiera d'appeler d'autres trucs, d'autres personnes, là, ce soir, notamment, là, pour, dans quelques instants, la rupture. Si vous voulez jouer avec nous et repartir avec des cadeaux, eh bien, il suffit simplement de battre l'auditeur qui sera face à vous, et donc le principe est simple, on appelle quelqu'un au hasard et bah, le but c'est d'avoir une discussion de rupture en fait, tout simplement. Donc voilà, si vous avez envie de jouer, vous appelez maintenant le standard. Il y a Sandro qui décroche, 01 42 48 5000, ou pour la Belgique 02 851 4x0. Il y a Wilfried sur le Twitter aussi qui dit encore une pure soirée sur Mickaël No Limit. Là, je vous écoute tous les soirs jusqu'à 2h, merci de me faire délirer, merci Wilfried d'être là. Enzo aussi qui dit se branler 10 fois par jour, c'est un peu beaucoup, en fin de journée ça doit le piquer. Ah bah oui, complètement. Mickaël, je t'ai découvert début août et j'en suis fier des bons moments avec vous, là vous gérez, continuez. Merci Enzo, sois le bienvenu aussi. Et n'oublie pas de prévenir tes potes. Mathilde aussi qui dit la première chose que je fais quand je rentre de mes vacances en Suède, j'écoute Mickaël officiel. Merci Mathilde. Et puis Damien qui dit salut, j'adore ton émission. Je l'écoute tous les soirs. Tu pourrais passer Showtech avec Slowdown, s'il te plaît, et que tu dises mon nom à la radio. Bah voilà Damien, c'est fait. Showtech, je vais essayer de le caler tout à l'heure là. Promis. Hugo aussi qui dit Mickaël après l'entraînement de foot. Rien de mieux que Mickaël pour se détendre là. Toujours autant de plaisir à vous écouter. Eh, j'espère que t'as gagné Hugo, là moi je prends que des vainqueurs. Hein. Non, il y a pas d'excuse genre on s'est pas bien entraîné, je veux pas une équipe de passoires, hein. Que ce soit clair. Déjà j'ai un auditeur avec qui je vais faire un battle sur FIFA par iPhone en réseau là. Je vais le faire hier mais à la radio ils ont bloqué le réseau, ils sont relous avec leur wifi là. Ça marchait pas. Attends, je voulais essayer de jouer en wifi, ça marchait pas. Peut-être les malins, moi je connais le champion du monde de FIFA. Ouais, j'en ai rien à foutre, moi je lui mets sa race. D'accord. Mais attends, quoi, je vais l'appeler, je vais lui dire que vous lui mettez Et bah avec ton pote là, là avec Très bien, avec l'auditeur, c'est je sais pas comment il s'appelle, je vais le retrouver. D'accord, bah écoute, T'inquiète. Mathilde d'accord. aussi qui dit vous êtes vraiment géniaux, je vous écoute pratiquement tous les soirs. Vous me faites vraiment rire, ne vous arrêtez jamais, je vous adore. Merci Mathilde, mais par contre, ce serait bien que tu modifies un peu pratiquement tous les soirs, c'est bien hein. Mais ça peut être mieux. Tu vois, c'est comme les notes à l'école, tu vois, 18 sur 20 c'est bien, mais ça peut être mieux. C'est ça. C'est vrai. Voilà, ouais, plus souvent. Voilà, ça peut être encore un peu mieux. Et Kikeria aussi qui dit toujours une voix super sexy. J'adore. Merci, Kikeria. Et Abby qui dit un concert de pipo et de piano aussi, s'il te plaît. Bon, on va essayer de gérer ça, Abby. Alvin sur le Twitter, il dit rentrée de dehors, on écoute maintenant Mickaël No Limites. Oui, parce que rentrer de l'intérieur, c'est compliqué en même temps. Hein. Il y a Véro aussi qui dit bien sûr que les filles aiment le sexe aussi, il n'y a pas de raison, sauf que nous, on n'est pas perso, on préfère le faire à deux. Ah bon. Oh, bah après. Et attends, après, il y a des filles aussi qui aiment bien le côté perso aussi. Hein. Yaya qui dit j'aimerais bien me manger un coup de lance-flamme moi aussi. Bon, alors si tu veux, ouais, hein, Yaya. Hein. Tiens, bouffe le lance-flamme, Yaya. Voilà, et petit panda qui dit qu'il va manger des petits beurres dimanche au lieu du gâteau à la fraise, bah c'est Mickaël et Polo. Eh ben c'est pas grave, voilà, tu resteras sur les genoux de Toff, tiens. Ah, oui, on sera bien tous les deux. Voilà. Panda. Et Mickaël aussi qui dit Mickaël, je te prends en FIFA quand tu veux. Arrête ton cinéma, tu vas perdre. Oh là là. J'ai joué hier soir, je me suis un peu entraîné, j'ai fait un match contre Barcelone, 6-0. Dans pour moi gueule. Bien sûr. Non, pas dans ma gueule. Non, pour moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est ça. Ça s'appelle le talent. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Le talent. Et d'ailleurs, pour ce talent, Polo. Pipo. Merci. Voilà. Ça me paraît pas mal. C'est oui, un hymne à la vie. Et ben voilà, exactement. Bon, en tout cas, merci pour tous vos messages. On va se faire la colle aussi ce soir. Hein, la colle pour gagner vos packs fun. Là. Si vous voulez jouer à la colle, restez bien à l'écoute de Fun. On fera ça dans un instant. Retour avec Grégory qui nous avait appelé hier soir d'ailleurs en fin d'émission. On n'a pas eu le temps de le prendre, donc on le reprend ce soir. Greg, toujours là? Ouais. Parfait. Greg, voilà. 24 ans, des Landes. Et ton problème, c'est que tu te masturbes 10 fois par jour. En gros, c'est ça. Ouais, j'ai envie de m'en rien, non hein. Bah ouais, bah dis donc, okay. T'as dû bien te faire aider là par Miley Cyrus là avec son petit truc. T'as vu la vidéo là, les photos qu'elle a fait sur les MTV Video Music Awards avant-hier? Non, c'est pas fait gaffe, non. Non, t'as pas fait gaffe? Non. Eh, c'est énorme. Facebook. Non mais attends, c'est-à-dire que on a mis la photo. Alors la vidéo elle a été censurée sur le Facebook, en tout cas sur mon compte, donc on l'a virée. Mais du coup j'ai mis la photo, uniquement la photo qui elle est passée. Hein. Et non mais c'est-à-dire qu'elle est en mode ça va t'aider Greg, hein. Moi je dis ça c'est pour t'aider. Hein. Bah non, ça va pas l'aider justement, elle va se branler deux fois plus. Bah ouais mais justement, mais tant qu'à faire autant avoir une image quoi. Elle avec Robin Thicke, je peux te dire qu'il y a un moment elle est dans une position qui est très très. Enfin, moi j'aimerais bien être à la place de Robin Thicke. C'est pas que un moment, c'est tout le. En fait c'est toute la chanson. Ouais, toute la chanson tout le show. Mais c'est gênant moi je trouve. Ah non mais elle a même mis Lady Gaga au placard hein. C'est-à-dire que tout le monde a parlé que Miley Cyrus. Mais c'est intéressant parce que tu vois la réaction de Rihanna par exemple, des artistes qui sont dans la salle, qui sont un peu voilà ça. Non mais attends, ils ont fait des trucs aussi. Ils ont fait des trucs, Rihanna, ouais. Lady Gaga, mais tout le bordel, sûr, c'est pas elle. C'est l'hôpital qui se fout la charité. Hein. Ah non mais bien sûr, Rihanna elle avait sur une pochette d'album aussi, je me rappelle à l'époque, c'était très très érotique. Bah oui, non mais c'est ça. Presque à poil quoi. Donc bah en tout cas ça peut t'aider Greg hein. Et allez la voir la photo là si vous l'avez pas encore vue. J'ai mis sur le Facebook hier donc regardez un peu dans l'historique, elle est là hier, ça vaut le détour hein. Si vous l'avez pas vu Greg, je te la conseille hein. OK, fin de tour. Voilà, non mais je te dis ça c'est pour te rendre service. C'est pour ton plaisir quoi. Bah voilà, c'est ça. Bon alors, il y a Valentin qui est avec nous également là du 91 dans les Suns. Salut Valentin. Salut. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Bon, bah bienvenue à toi Valentin, tu voulais réagir à Greg, toi qui se masturbe 10 fois par jour, est-ce que c'est ton cas? Ah ouais, une fois ou deux par jour. Oh, c'est rien, ça va, c'est rien ça, c'est monsieur tout le monde, c'est le score de monsieur tout le monde. Ouais, mais 10 fois, faut le faire. Hein. Ah bah, je te le confirme, hein. C'est-à-dire que comment t'expliquer qu'à mon avis, il doit y avoir le feu tous les soirs hein. Ah bah oui. Non mais attends. Une fois que t'as pris l'habitude, ça va. Hein. Non mais 10 fois par jour. Mais comment t'expliquer que le truc c'est un chou-fleur à la fin de la journée là. Non mais non. Mais si. Chou-fleur. Non mais c'est vrai. Le truc ça doit être un chou-fleur. T'appelles les pompiers, on arrose et tout le bordel quoi. Non mais c'est vrai. Hein. Oui allô bonjour. Oui j'ai feu. Oui. Exactement. Oui. Nous avons remarqué sur. Ah merde les pompiers. Oh là excuse-moi je me suis trompé de bouton. Donc tout ça pour dire que effectivement il y a un moment comment ça se passe au niveau du gland, Greg. Ouais ben ça fait un peu mal à la fin de la journée forcément. Et donc quand ça fait mal t'as quand même encore envie de te branler encore. Pardon? Malgré que ça fasse mal t'as quand même encore envie. Ah ben oui c'est des. Ouais. Ah ouais non mais voilà c'est ouf ça. C'est ouf. Bon attends une seconde, il y a aussi Flavien qui est avec nous là de Mayenne. Salut Flavien, comment vas-tu? Ça va. Bon ben sois le bienvenu Flavien, tu voulais réagir aussi toi par rapport à Grégory? Ouais, moi il m'arrivait complètement autre chose en fait. Ah vas-y, c'est quoi? Bah avant de faire ça en fait, j'étais avec ma copine et puis bah, on a couché trois fois ensemble. Ouais. Et mon gland a triplé de volume en fait. Ah c'est inquiétant. Ah ça c'est les mycoses. Et ça a saigné. Et bah ça a saigné. Ah alors soit tu t'es pété le frein, soit c'est les mycoses. Hein. Oh non. Ah si. Bah, ah si si si. Ah si si si. Mais alors ça par contre, je suis peut-être moins bien placé pour t'aider là. Rien faire. Mais... Ce serait peut-être le doc qui devrait t'aider à ce niveau-là hein, pour le coup. Hein, ce qu'on peut faire, c'est soit un coup de marteau piqueur. Ouais. Alors on peut soit t'aider éventuellement. Te brûler tout ça au lance-flamme. Ouais, bon, un petit coup de lance-flamme. Ça, ouais. Ça va. Ça exactement. Va dégager toutes les merdes. Bon, on va enlever les mycoses. Attends. Attends, sors le. Ah là. T'as brûlé bon. Son pantalon là. Ouais, mais c'est pas grave. Justement, comme ça c'est fait, on va remettre le gland droit là. Voilà. Voilà, c'est parfait là, bah ça va beaucoup mieux là, non? Ouais, ça va mieux là. Ah, tu vois, bravo. T'as bien fait de nous appeler là, hein. Donc si vous aussi vous voulez des beaux conseils, hein, 01 42 48 5000, hein, 02 851 4x0 pour la Belgique. Ici on ne donne que de bons conseils. Il faut le savoir. La preuve d'ailleurs, hein, parce que Flavien est ravi maintenant. Non mais sérieux, pour le coup, blague à part, va voir un médecin hein, Flavien. Bah oui. Bah ouais, mais bon, mon médecin, c'est mon oncle en fait. Donc, Va voir un autre médecin, t'es pas obligé d'aller voir ton médecin à toi, tu peux aller voir n'importe quel médecin. Maintenant, il y a juste un truc, tu l'as fait sans capote? Ouais. Attends, tends la joue là. Tends la joue. Tends la joue encore un peu. Rapproche-toi un peu. Rapproche. Voilà. Pourquoi tu l'as fait sans capote, Flavien? T'es con quoi? Bah non, mais bon après, je suis habitué avec elle et tout. Donc, et alors? Mais t'as fait le test alors au moins, rassure-moi. Bah oui. Donc vous avez fait le test, sida, machin, tout ça? Bah non, ouais, on est clean sur ce point-là. D'accord, non, bah alors ça va. Bon, je reprends la claque, alors. Bah du coup, je vais la mettre sur toff. Voilà. Voilà, donc je l'ai reprise. Hein. Désolé, Flavien, je me suis emballé. Donc, c'est important. C'est important, si vous le faites sans capote, allez vérifier au moins que vous n'êtes pas porteur de maladies dégueulasses. Mais cela dit, vous avez fait un mauvais test, hein, puisque à mon avis, c'est dû... Si t'habites en forme de chou-fleur, là, tu sais qu'il y a triplé de volume, c'est qu'il y a des mycoses dans le... Il y a des mycoses intérieures, hein. Bah ouais, je sais pas, c'est bizarre, et puis ça a bleu depuis le temps, donc Non mais va voir un médecin, tu vas la perdre. Non mais ça c'est parce qu'il s'est pété le frein, c'est pour ça. Non. Mais non, tu triples pas de volume, tu pisses le sang, mais ça se triple pas de volume. Bah si, parce que tu sais, c'est je sais pas, ça m'arrive jamais arrivé, donc je sais pas. Quand tu te blesses, si ça gonfle, enfin triplé de volume, je pense qu'il abuse un peu, mais si, moi ça a gonflé hein. Parce qu'il y a Polo qui veut voir une photo. Je veux bien, envoie-nous donc une photo. Quelle horreur. Non, ça va aller. Bon écoute, est-ce que ça a beaucoup saigné pendant le rapport? Non, ça va, non, je trouve pas, moi, personnellement, mais Parce que ça pisse le sang, là, vraiment, quand tu pètes le frein. Ah ouais, quand tu pètes le frein, moi, j'en ai mis partout, hein. Donc, à mon avis, franchement, pour être sûr, ça se trouve, effectivement, c'est le frein, et à ce moment-là, c'est pas grave, mais va voir un médecin quand même, hein, oui. Flavien, attends, et si le truc, il devient bleu, t'es ouf? Mec, tu perds ta bite, comment tu vas faire? T'imagines, on doit l'enlever, on te castre. Non, mais... Non, merci. Non mais attends, et si tu vas pas voir un médecin, vraiment, hein, donc va voir un autre médecin, si tu veux pas aller voir ton oncle parce que c'est la famille, etc., pourquoi pas, mais renseigne-toi, fais pas le con, hein. Bah, faut que je fasse ça. Bon, bah je compte sur toi, Flavien. Eh, va voir un médecin demain, mec, et on te rappelle demain soir, d'accord? Ok. Bon, je compte sur toi. Bon, bah salut, Flavien. Salut. Allez, salut, Flavien. Il y a plein de messages qui sont arrivés. Yaya qui dit j'ai un nouveau truc pour Toff. Là, on l'explose au bazooka. Ah, c'est une idée. Je vais commander un bazooka maintenant sur bazooka.com. Ne bouge pas. Hakim aussi qui dit ça fait plaisir de vous écouter. Merci Hakim. Petit panda qui dit se branle devant des pornos ou toujours comme ça? Ah oui, bonne question, ça tient, Greg. Ouais. Donc pas d'imagination, quoi. T'as besoin de matos, quoi. Ouais, de vidéos, tout ça. Ouais. D'accord. Mmh. Il y a un message aussi qui est arrivé, Mickaël, 10 fois j'ai déjà fait, mais après ça brûle à force. Bah oui, évidemment que ça brûle. Il y a The Gamer Flox qui dit, moi je voudrais me faire éclater le frein du gland par le marteau piqueur, et si possible avec un petit coup de pipeau pour me déstresser. Bon bah écoute, si tu veux, hein, allez tiens. Voilà. Faites attention, ça peut pisser le sang à tout moment. Hein. Allez, pipeau en même temps là. Voilà de Gamer Flock, j'espère que t'auras kiffé. T'as des pratiques un peu bizarres, hein, si je puis me permettre. Il y a Paul aussi qui dit vive la chirurgie au lance-flamme et au marteau piqueur. Ah bah ouais, mais au moins ça, c'est le côté un peu naturel, tu on vois. On est comme ça, nous. On est là, on est là. Pas d'anesthésie, rien. On est brut. Et Audrey qui dit à Greg qu'il doit penser à sa mère, ça doit probablement faire baisser ses pulsions. Wow. C'est pas con, Greg. Hein. Si tu penses à des trucs qui sont un peu négatifs comme ça, je dis pas que ta mère est négative, hein, mais je veux dire façon de parler, qu'on se comprend. Ça t'aide pas à pas le faire? Non, pas trop. Ah parce que après, il y a un moment, il faut aussi trouver les endroits où le faire, parce que tu vois, t'as pas non plus tous les endroits comme ça disponibles tout le temps. Non, mais chez moi, au boulot. Bah ouais, t'as toujours un petit endroit où tu peux te mettre tranquille. Pour ouais. Bon, j'aimerais l'avis des filles, mesdemoiselles. Allez-y, vous balancez votre message maintenant là au standard 01 42 48 5000. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur un mec qui effectivement se branle autant de fois par jour? Et d'ailleurs, on va lui poser la question à Greg là. Est-ce qu'il fait ça quand il est avec une copine ou pas du tout justement? On en parle dans un instant. Venez prendre le contrôle. Mickaël No Limit jusqu'à 2h du mat et on écoute le son de Robin Thicke. Maintenant, c'est Blurred Line sur Fun Radio. Bonne soirée. Allez, venez prendre le contrôle de Fun. On est là jusqu'à 2h sur Fun Radio avec plein de messages qui sont arrivés là. C'est cool. DJ Kylian qui dit Polo, fais-nous la version Pipo de Robin Thicke, s'il te plaît. C'est devenu un classique. Ah ouais, mais bon, tous les soirs après, Robin Thicke va gueuler à un moment. Hein. Bon, Polo, Robin Thicke, version Pipo. Écoute, j'ai passé une mauvaise journée. Bon, allez, vas-y, allez, vas-y, on y va, vas-y. On y va. Musique. 3, 4. Comme d'habitude, c'est magnifique. Merci, DJ Kylian aussi, bah voilà, c'est lui qui avait demandé la version Pipo. Les fêtes, il y a Clara qui dit lance-flamme résout tous les problèmes. Mais oui, c'était aussi pour ça que je l'ai acheté. Hein. Il y a Alice qui dit jamais je pourrais aller jusqu'à 10 fois par jour. Il a des soucis de libido, c'est pas possible. Perso, déjà une fois par jour, je trouve ça suffisant. Damien qui dit et si tu joues à Call of Duty, je te prends quand t'es chaud. Non, Call of Duty, moi, je suis pas trop fan des jeux comme ça. Kikiria aussi qui dit moi perso, j'ai des périodes où je le fais sans arrêt. Et d'autres non. Let's Be Freaks qui dit j'ai besoin de chirurgie esthétique. Hein. Beaucoup de lance-flammes. On te le mettra tout à l'heure, Let's Be Freaks. Mathilde aussi qui dit je peux vous appeler pour parler de mon voyage en Laponie, s'il vous plaît. Bah écoute, appelle le standard, Mathilde, il n'y a pas de problème. Ouais. Nalia qui dit vous gérez et je peux avoir un coup de pipeau pour moi également. Bah on le fera tout à l'heure, Nalia. Et puis Yaya qui dit je vous connais que depuis hier, mais je m'éclate comme une dingue. Merci. N'oublie pas d'ailleurs de passer le message à tous tes potes qu'on est là tous les soirs, du lundi au jeudi, de 23h à 2h et le dimanche soir de 20h à minuit sur Fun Radio. Prévenez vos potes, vos amis, etc. Faites passer le message puisqu'il y en a plein qui savent pas encore, donc tant qu'à faire, autant les prévenir. Je vous rappelle également qu'il y a un Samsung Galaxy, là, le téléphone, à gagner ce soir sur le Facebook de l'émission. Si vous voulez tenter de le gagner, eh bien vous de jouer dès maintenant. Il suffit tout simplement d'aller sur le Facebook, facebook.com/mikaelofficiel. Vous mettez un like sur la photo du Samsung Galaxy. Et si vous êtes tiré au sort, je vous offre votre Samsung Galaxy, jeu gratuit, donc profitez-en. Si vous n'êtes pas tiré au sort, bah vous aurez perdu qu'une demi-seconde à faire un like. Si vous êtes tiré au sort, bah vous partez avec le téléphone, ce qui est quand même plutôt sympa. Voilà. Et puis il y a un message aussi de Mathilde sur le Facebook justement, tiens, t'inquiète pas pour le pratiquement, ça va devenir tous les soirs, mais avec les cours qui vont bientôt reprendre, ça va être difficile. Oh, je te fais confiance, Mathilde, tu vas pouvoir écouter tous les soirs, t'inquiète. Mathilde qui nous avait envoyé un message en disant je vous écoute pratiquement tous les soirs, et je lui avais dit pratiquement c'est bien, tous les soirs ce serait mieux. Anthony aussi sur le Twitter qui dit Polo, apprends-moi le pipo s'il te plaît, c'est tout un art le pipo, surtout joué par toi. Bah ouais, c'est un certain talent quand même, hein. Ah ouais, bah ça s'apprend pas comme ça. Ah bah c'est sûr. Faut du temps. Et Hugo qui me dit tu me prends pour qui, je reviens de l'entraînement de foot avec les coéquipiers du FC Liart, équipe de vainqueurs, dédicace, bah on embrasse tout le monde là. Ouais, bah, vainqueur, vous avez gagné combien? C'est pas le tout d'être vainqueur. Bon, avant de reprendre dans un instant Grégory, on va prendre Jimmy maintenant là pour la colle de ce soir. Alors, c'est cette musique là, autant pour moi. Bonsoir Jérémy. Non, c'est Jimmy. Jimmy, salut. excuse-moi. Non, il n'y a pas de soucis. Bonsoir Jimmy, bah ça va bien et toi de La Rochelle là? La Rochelle va bien? Ça va. Ouais, ça va, c'est bien. Bon, bah tant mieux, Jimmy. Bon, bah sois le bienvenu. Alors, c'est parti. On va y aller maintenant donc pour la petite colle hein, de ce matin. Non, de ce matin. De ce soir. Non, mais parce que je pense ça demain matin, je sais pas pourquoi. Bon, de ce soir. Alors, attention, pack fun à gagner. Si personne ne trouve la bonne réponse, tu gagnes. Si on appelle quelqu'un qui a la bonne réponse et qui ne décroche pas, tu gagnes. Dans tous les autres cas, tu perds. D'accord, ok, bah, y a pas de soucis. Bon, bah vas-y, Jimmy, alors, on t'écoute. Quel est l'insecte le plus rapide du monde? Quel est l'insecte le plus rapide du monde? Voilà, exactement. La mouche? Non. La guêpe? Non plus. L'abeille? Non plus. Bon, c'est pas l'araignée, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a comme insecte qui est rapide là? Le moustique. Le moustique, ouais, ouais, cet enculé va vite, hein. Non plus. Bon bah si vous avez l'idée, hein, n'hésitez pas, il y a le pack fun à gagner. À vous de jouer maintenant, il suffit simplement d'envoyer M-I-K-L par SMS au 64-900 et puis vous mettez la réponse hein, derrière M-I-K-L. Ou alors vous envoyez M-I-K-L espace la réponse au 63-22 pour la Belgique. Bon, répète la colle, Jimmy. Alors, quel est l'insecte le plus rapide du monde? Bon ben voilà, vous de jouer si vous avez la bonne réponse, c'est maintenant que ça se passe, donc vous envoyez M-I-K-L et la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Bon bah ben, tout à l'heure Jimmy, on te reprend d'ici un quart d'heure, à tout de suite. Pas de soucis. Et on donne la réponse, on va essayer de donner la réponse d'ici minuit quart à peu près. Bon, on va prendre dans un instant, on va faire le jeu de la rupture évidemment, et avant ça il y a Maxime qui est avec nous là. Bonsoir Maxime. Ouais. T'appelles pourquoi Max? Bah parce que moi alors j'étais au lit avec ma copine. Attends, coupe ta radio Max derrière là, ça fait de l'écho sinon. Ouais, d'accord, attends. Voilà, nickel. Et donc Maxime qui nous appelle de Clermont-Ferrand. Ouais. Parfait. Bon, alors du coup, ah oui, c'était par rapport par rapport au truc de est-ce que vous avez déjà fait l'amour avec le téléphone par exemple? Voilà. D'accord. Le sexe, comment on appelle ça? Le fuck phone. Le fuck phone. Voilà. En téléphonant, c'est-à-dire que tu fais pas l'amour avec le téléphone. Ah oui, téléphone, c'est quoi. Tout en téléphonant, bien évidemment. S'il y a des gens qui ont fait ça. Ouais. Bon, vas-y, Max, on t'écoute. Ouais, bah alors en fait, moi j'étais au lit avec ma copine et donc mon téléphone était posé à côté. Ma mère marcelait de messages d'appel en fait. Ah là là, je devine la suite là. Pour pas me faire engueuler, j'ai répondu. Et en même temps que je faisais l'amour. Ah c'est bon, et ta copine a dit quoi quand t'as décroché le téléphone, elle était vénère ou pas? Bah un petit peu, elle gueulait, moi je lui disais chute. Ah oui c'est ça, ouais, bah tais-toi. Ouais bah enfin bon, t'es gentil toi, mais bon il y a un moment qu'on va t'expliquer. Voilà, après j'ai juste ralenti et j'ai décroché le téléphone. Sans déconner, c'est bon ça? Bah ouais, en fait j'avais pas envie de me faire engueuler, ça faisait déjà 10 fois qu'elle m'appelait. Bah oui, tu m'étonnes, il y a un moment elle allait gueuler, mais enfin bon, en même temps, s'il écoute là, l'émission, je sais pas s'il écoute, mais si comment t'expliquer que s'il écoute, je pense qu'elle peut très mal le vivre. Hein, parce que savoir que t'appelles ton fils ou ta fille et que pendant que t'es en train de lui téléphoner, elle est en train de se faire démonter ou t'es en train de niquer, je pense qu'il peut quand même. Les parents peuvent mal le vivre, je crois. On appelle la mère. Ah bah on appelle la mère, on va la prévenir. Bon, et du coup, tu l'as jamais dit à ta mère? Non, jamais. Alors, c'est dommage, tu devrais. Ouais mais franchement ouais, j'ai envie. Bah ouais, tu veux qu'on l'appelle Maxime? Nous on l'appelle hein. Non mais elle dort. Bah c'est pas grave, il faut avouer les choses. Non vraiment, il faut avouer les choses. Au moins. Non mais comme ça, bah t'appelles sur le fixe, ça va la réveiller comme ça. T'sais, au moins. Non, quand même, c'est vrai, au moins comme ça t'auras la conscience tranquille. La conscience tranquille, tu vois. Je préfère lui dire par moi-même. Oh bah non, et nous, merde, Max. Mais si Max. Si tu téléphones pas, elle travaille demain et tout, elle va péter un câble. Si tu le téléphones pas maintenant, c'est que t'as raté ta vie. Ouais, j'ai raté ma vie alors. Oh, t'es pas délire. Oh, t'es pas rock'n'roll, Maxime. T'es pas fun dans ta tête, c'est ça le problème, tu vois. Ouais, non, mais pourtant, j'écoute souvent fun. Mais... Ah, bah ouais, mais pas assez là. Faut écouter plus pour être fun dans sa tête. Ah, ouais. Ah, m'a déçu, Maxime. 24, hein. Et on peut pas appeler ton père? C'est les mecs qui veulent absolument foutre la merde. Non, mon père, il travaille. Ah, bah parfait, il doit rien foutre à mon avis. Il travaille en quoi? Bah, il est chef d'entreprise, mais. Et bah voilà. À sorti, ouais, avec sa maîtresse. Il est avec sa maîtresse, quoi. Ouais, peut-être. Chef d'entreprise, c'est à 23h40, avec t'es sérieux là? Bah ouais, mais c'est une entreprise qui travaille la nuit. Ah, d'accord, ok. Et il s'occupe bien de la secrétaire? Ah, bah bien sûr, il travaille avec, avec Vanessa. Ouais. Très bien. Ton prof de français, ton. Ouais, on peut pas appeler quelqu'un, ta cousine, je sais pas. Ah, on appelle ta cousine, on a envie d'appeler quelqu'un. Les mecs qui veulent foutre la merde, absolument. Bon, on va pas te déranger plus longtemps, Maxime. Merci d'être là, en tout cas, tu reviens quand tu veux sur Fun. Ouais, il y a moyen de passer une petite dédicace. Ah, bah vas-y, à une seule personne, tu connais la règle. Ouais, bah choisis la bonne. Hein. Ma grosse mongole d'amour. Très bien, et bah, ça va lui faire plaisir, tiens. Bah très bien. Bon bah salut Max, à bientôt. Ouais. Allez, ciao. Et dans un instant, le jeu de la rupture avec Mickaël et Benoît. Vous êtes là tous les deux? Ouais. Parfait, soyez les bienvenus. Bon, le jeu de la rupture dans un instant, vous connaissez le principe hein, tous les deux? Oui, tout à fait. Ouais, très bien. Et alors attention, comment t'expliquer Mickaël que tu joues l'honneur là hein? Ouais, t'inquiète, Mika, t'inquiète. Hein, je veux pas qu'un Mika, il fasse mauvaise image. Hein. Ah, on l'élimine, Mika. Eh, bah, t'as raison, Mika. Bah, évidemment, mec. Alors, voilà, quand même. Un petit comme l'ancien pour Benoît. Ouais, d'accord, tiens dans ta gueule, Benoît. Voilà. Voilà, et ça, c'est pour moi. Voilà. Eh, je lui remets un coup, Mika. Ouais, vas-y. Vas-y, tiens, et Benoît, prends dans ta gueule. Voilà. Bon. Ouais, t'inquiète pas. Après, on va te mettre le pipeau là où il faut. Bon. Benoît, t'as déjà fait du théâtre ou quoi? Eh, hey, Mickaël, ouais, qui va gagner là? C'est moi. Ouais. Allez, restez sur Fun. Dans un instant, je vous cale le son de Axwell comme promis. Center of the Universe sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Mickaël, nos limites. On est jusqu'à 2h. Un truc à dire. Mickaël. No limit. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Tous les soirs. Fun Radio. 23h, 2h. No limit. No limit. Mickaël. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio dans toute la France. Soyez les bienvenus si vous venez d'arriver. Je vous rappelle que dans un instant, on va faire le jeu de la rupture. Et je viens de mettre un post là. Lequel de Mickaël ou de Benoît va gagner à votre avis? Eh bien, continuez à aller. Ouais, ils sont là, ouais. Continuez à aller donner votre avis évidemment sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MickaëlOfficiel. Et puis, venez également nombreux. Hein, nombreux et nombreuses là. Si vous voulez gagner votre Samsung Galaxy là ce soir, eh bien, bien vous allez simplement sur le Facebook de l'émission, ah, pareil. Il est là, il est au taquet. Facebook.com/MIKL officiel. Voilà, et puis voilà, on va jouer dans quelques instants. Donc avec Mickaël, avec Benoît, on aura Grégory aussi, là, qui se masturbe 10 fois par jour. On aura la colle aussi dans un instant. Et venez nous rejoindre pareil, hein, si vous le souhaitez, sur le Twitter de l'émission. Là, vous me faites un follow, je vous follow back derrière, comme promis. Je l'ai fait à tout le monde depuis le début, il n'y a pas de problème. Je n'ai qu'une parole. Voilà, vous tapez MIKL officiel tout simplement sur Twitter et sur Instagram. Et puis je vous follow back juste derrière sans souci. Et puis on écoute Axwell maintenant. Center of the Universe, prenez le contrôle, on est là jusqu'à 2h sur Fun. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Tu peux que ça qu'à foutre. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Connard, va. Ben oui, attends, ça va là. Oh, oh, oh, oh, il va se calmer lui. Ah ouais. Tranquille ou quoi? Bon, alors c'était Axwell à l'instant sur Fun avec Center of the Universe. Et puis bah restez là, il y a aussi Carolina Marquez qui va débarquer avec Florida. Ah, ce sera Sing La La La. Je vous cale aussi Capo et Raya là. Vous avez demandé un peu de son soleil, bah voilà. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Oh, dis donc, y a pas de respect quand même, là, quand même. Hein. Et puis Jason Derulo sera tout à l'heure. Et je rappelle que si vous voulez écouter les sons, on avait demandé Showtech tout à l'heure. J'essaierai de vous le mettre avant 2h du mat, comme promis. Et vous tapez le hashtag MIKL, hein, si vous voulez choisir un titre. Et si vous voulez réagir à l'émission, d'ailleurs, hein, sur Twitter, vous mettez le hashtag MIKL, tout simplement. Message de Mathieu sur le Facebook. MIKL, ton émission déboîte tout. Merci Mathieu. Kelly aussi qui dit 3 nuits d'insomnie. Heureusement que vous êtes là pour m'éviter l'ennui. Vous assurez un max, continuez comme ça. Et gros bisous. Bah, gros bisous à toi aussi, Kelly. Merci d'être là. Apparemment, on proposait le temps aussi, l'insecte le plus rapide du monde. C'est ça ou pas, Jimmy, là? Pour la colle de ce soir là, est-ce que ce serait le temps par hasard? Jimmy? Oui, je suis là. Ah voilà, c'est le temps ou pas? Non plus. Ah, c'est pas le temps. Bon bah tant pis, non, hein, qu'est-ce qu'il y avait aussi comme message qui est arrivé là? C'est la bite de Toff. Non plus. Ah, c'est pas ça, merde. Bon bah si vous avez la bonne réponse, hein, vous. Elle est très rapide. Hein. Ouais, bah tu as tes problèmes, hein, c'est pas grave, hein, ça arrive au même au meilleur. Bon, donc si vous voulez jouer éventuellement, hein, si vous voulez repartir avec votre pack fun, à vous de répondre à la question donc de Jimmy à la colle de ce soir. Quel est l'insecte le plus rapide du monde? Vous envoyez MIKL, espace la réponse, au 64 900, donc pour par SMS, et au 6322 pour la Belgique. N'oubliez pas aussi de laisser votre numéro de téléphone, parce qu'en fait il s'affiche pas tout le temps. Donc parfois il y en a qui ont la bonne réponse et on peut pas les rappeler parce qu'on n'a pas leur numéro. Donc voilà, vous le mettez MIKL, la réponse et votre numéro de téléphone. Vous envoyez tout ça au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Bon bah Jimmy, on te reprend tout à l'heure. Hein. Ok. Allez, reste bien dans le coin là. Jimmy, donc quel est l'insecte le plus rapide du monde? Je vous souhaite bien sûr bonne chance. Bon, vous êtes là MIKL et Benoît là? Ouais. Bon, est-ce que vous avez déjà entendu, est-ce que vous avez entendu parler de l'histoire de la polonaise là avant qu'on fasse le jeu de la rupture? Ah non, pas du tout. Bah c'est 100 000 mecs non. En fait, elle veut faire 100 000, elle veut se taper 100 000 mecs la ah meuf. Ah ouais, si, oh, putain. Ouais. La meuf qui veut rentrer dans le business camp. Et ouais, exactement, dans le Guinness Book, ouais. Alors attendez, je vais faire mon petit calcul. Alors 100 000, donc il y a 365 jours hein, sur une année, hein, doit se faire 14 mecs. 365 jours, ça fait Des kilomètres de queue. C'est abusé. Ah ouais, ouais, ouais, ouais. Alors 14 mecs donc par jour pendant 20 jours. Alors, qu'est-ce que ça fait? Fait combien, Taf, à peu près? Ça fait 20 piges à peu près. Ouais, 20 piges, ouais. Ouais. 20 ans. 20 piges. 20 ans, 14 mecs par jour. C'est pas mal, hein? Ouais, Lyon, elle a bien de la franco, dire. Comment? J'ai pas compris. Elle va bien tirer son coup, la machine. Ah bah oui, je te confirme qu'elle va bien tirer son coup, ouais, c'est clair. On se foutait de la gueule de Greg avec 10 fois par jour, mais en fait, au final, il ouais, est finalement, t'es un petit joueur, Greg. Oh, pourquoi? Bah attends, tu rigoles ou quoi? La meuf, elle veut se taper 100 000 mecs, 14 mecs par jour pendant 20 ans. Eh, hey, donne-moi ton numéro de téléphone, moi. Dimanche compris et tout, hein. Ah oui, c'est 7 jours sur 7. Hey, hein. Moi, je voudrais bien, moi. Bon, eh, hey, Mickaël, te la ramène pas, là, 2 secondes. Hey, reste concentré pour pas perdre la rupture. Hein. Okay. Fais honneur au prénom, là, je compte sur toi. Bon, okay, bah, du coup, on va appeler des gens pour essayer de trouver des gens pour le Guinness, alors, bah, du coup. Je vais essayer de l'aider à trouver 2-3 mecs, quoi. Bon, très bien. En espérant qu'on retombe de nouveau sur cette charmante dame qu'on a eue hier. Hein. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Et vu le sujet, on n'est pas à l'abri de tomber sur quelqu'un comme ça. Ah, je vais pas bon. La faire tous les jours, quand même. Non, bah, pareil, on verra. Après, on en trouvera d'autres, à mon avis, hein, t'inquiète pas. Sauf bon. Qu'est-ce qu'a dit ta mère de tout ça? Oh, bah, ça elle est va, fière. Elle dort à ce temps-là. Ah bon, ça va alors. Il n'y a que le dimanche en fait où on doit être plus soft parce que du coup comme maman, la mère de Toff écoute, Alors du coup, je vais comme ça, mon fils. Tu vas être fier. Parce que moi, j'ai le texto du lundi matin. Hein. Ouais, mais je ne t'ai pas élevé comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Elle débrief et tout. Ouais, exactement. Elle dit non, mais tu peux pas dire ça et tout. Les gens qui t'écoutent. Oui, c'est ça. C'est très mal. C'est très mal ce qu'il fait, mon fils. C'est un sale con. Elle te propose de t'emmener de la biafine pour toi. Non, ça non pas. Eh ben, elle devrait. Tiens, voilà. Bon, voilà, je l'ai mis sur Benoît en même temps. Bon, alors Mickaël et Benoît, comme il y a deux mecs là, lequel des deux veut commencer? Laisse-le, honneur aux filles. Oh, c'est bon ça, Benoît, là, pas mal. Ah, ça démarre là, ça démarre. Bon, bah, Mickaël, à toi l'honneur, hein, d'accord? Ok. Bon, bah, on appelle, le principe est simple, donc je mets Benoît de côté là. Le principe est simple, on appelle quelqu'un au hasard, on sait pas si ça va être un garçon, une fille, un vieux, un jeune, une boutique, bref, on appelle un numéro au pif, et il faut que tu aies une conversation de rupture, d'accord? D'accord, ok. Si tu arrives à tenir le plus longtemps possible, c'est toi qui risque de gagner, quoi qu'il en soit, faut que tu fasses plus longtemps que Benoît, d'accord? D'accord. Allez, c'est parti, on y va, j'espère qu'on aura plus de chance que la semaine dernière. La semaine dernière, on a un peu galéré là, mais là, normalement, vous avez envoyé vos numéros, donc ça devrait être plus facile. Oui, allô? Allô, oui, comment tu vas? Qui t'a l'appareil, hein? Excuse-moi de te déranger, mais moi, à cette heure tardive, je veux te quitter, j'en ai ras-le-bol de toi, Delima, je vais plus te voir. Oh là là, j'en ai ras-le-bol de toi. Oh, il est mauvais, oh putain, merde. Ah ouais, là, t'es 20 Mickaël, secondes, elle se barre. Je la raconte depuis tout à l'heure. Ah putain, là, 20 secondes, mec, Mickaël. 20 secondes, c'est nul. T'as chié. Mec, 20 secondes, quoi, sans déconner. Je pense que c'est le plus mauvais score de ce jeu. Ah ouais. Attends, on a le public qui est là. Oh là là. Ah, c'est pas terrible, hein. Ah ouais, franchement, là. Ah, c'est... Oh, t'es mauvais. Ah, c'est pas terrible, terrible. Ça sent mauvais, en plus, hein. Bon, bah, Benoît. Oh là là. Bon, t'as une autoroute devant toi là. Tout ça pour ça. Ah ouais. Benoît, là, t'as une autoroute, c'est comme aux États-Unis, là, 6 bandes, tranquille, y a personne, tu vas à fond de balle. Et Ben, stratégie. Tu te rends compte de la chance que j'ai? Ouais. Hey, je te rends compte de la chance que tu as. Hey, tu te rends compte de la chance que t'as? Ouais, là, je pense qu'il s'en rend bien compte là, ouais. Hey, joue là finement là. Ouais. Ce serait con que le mec te raccroche en direct et que tu perdes avec 20 secondes, Benoît. Ouais. Enfin bon. Ouais, bon, bah, Mickaël, rien n'est perdu, on va voir. Benoît, t'y vas là, c'est parti. Attends. Je vais d'abord faire un tour du côté du Facebook. J'avais demandé lequel de Mickaël ou de Benoît allait à leur avis gagner, justement. Alors attendez, je fais un refresh sur la page Facebook maintenant. Venez nous rejoindre d'ailleurs. Bah ouais, venez nous rejoindre facebook.com/Mickaël officiel. Toujours plus nombreux avec le Samsung Galaxy à gagner avant 2h du mat. Venez faire un like sur la photo du Samsung Galaxy et si vous likez correctement, il est gagné. Alors, c'est Mickaël et Mickaël en force. Ouais, bah c'est pas gagné, comment vous expliquer. Mickaël et Mickaël gagnent toujours. C'est Issam de Liège. Il y a Manon qui dit bah moi je sais pas, mais merci. Merci Manon pour ce. Il y a Grégory qui dit c'est Benoît obligé. Il y a Benoît qui dit Benoît va gagner obligé. Mickaël c'est nul. C'est ça. Je vais te brûler, tu vas voir ça avec le lance-flamme. Greg qui dit c'est Benoît. Il y a Cyril qui dit c'est Mickaël. Benjamin qui dit c'est Benoît. Bah c'est mitigé sur le Facebook. Bon. Ah c'est mitigé, oui. On va y aller. Benoît, c'est parti. C'est à toi. Tu dois faire mieux que 20 secondes. On est chaud. Allez, et attention, discussion de rupture, bien sûr, je le précise. Allez, c'est parti, on y va, on appelle. Et si vous avez des numéros également, au cas où ça décroche pas, là, parce qu'ils ont droit à deux appels, hein, donc on va faire le deuxième appel après. Si vous avez des numéros, n'hésitez pas à nous les envoyer. Hein. Vous envoyez Mickaël avec le numéro de téléphone de la personne qui est sûre d'être réveillée encore, hein, au 64-900. Merci à tous les tweetos nous soutiennent ce soir, ça fait plaisir. Ah mais qu'est-ce que t'es une... Hashtag Mickaël, top tweet ce soir. Et puis Benoît, comment t'expliquer là? J'ai pas eu le temps d'en placer une. Ah ben raccroché au nez. C'est quoi ça? Ça mérite ça. Ça mérite un coup de lance-flamme. Ouais, ça mérite un coup de lance-flamme. Mais attention, Ce n'est pas terminé, ce n'était que la première partie. Vous avez droit à deux appels chacun. Ah, deux appels. Voilà, bah oui, Mickaël, c'est pas encore gagné, t'emballe pas là. Ça se trouve, tu vas faire. Alors attention, on prend le meilleur appel. Donc si Mickaël, tu rappelles quelqu'un, tu fais 15 secondes, on dira que c'est 20 secondes, évidemment. Hein. Et si toi, Benoît, bah tu fais difficilement moins qu'une seconde, hein, dans l'absolu. On prendra donc le deuxième appel en compte. On y va, Mickaël ? Oui, je suis prêt. Allez, vas-y, deuxième appel, on y go. Stratégie, c'est parti. Allez, sois bon, Mickaël. Hein. Sois bon, sois fort. Oui, merci. Allez, ça va aller. Concentre-toi. Tiens, j'en mets une chez Benoît, là. Voilà. Comme ça, il sera moins fort. J'en mets... Voilà. Merde, ça va être le répondeur, ça, je le sens bien, là. Ah ouais, ouais. Non, c'est un fixe. Et alors ? Il n'y a pas de répondeur sur les fixes ? Ah mais si, mais t'as plus de sonneries que sur les portables. Ah bon ? Bonjour. Ah bah voilà, c'est answering machine. C'est pas grave, on appelle un autre. Bon, en attendant, si jamais on galère avec les numéros parce qu'il est déjà minuit là, n'hésitez pas, hein, vous envoyez votre numéro. Vous envoyez votre numéro maintenant au 64-900 là. Vous débutez par Mickaël. Vous mettez le numéro d'une personne que vous êtes sûr elle est encore debout là. Vous mettez le numéro par SMS et pareil aussi au 30-44. Allô ? Oui, comment allez-vous ? Et qu'est-ce qui t'a voulu téléphoner là ? On a des Je voulais dire que je vous quitte, j'en ai ras le bol de vous. Et moi aussi j'en ai ras le bol, attention, hein, continuez. Oh, appelez pas la police, allez, j'en ai marre de vous là. On fait très mal l'amour ce soir madame, et franchement, oh là là. Elle a raccroché là, 19 secondes. Oh, mais qu'est-ce qu'il 19 secondes. Ah, t'as été mauvais là, 19 secondes là, 19 putain. Plus mauvais que la première fois. Ah, t'aurais pu faire mieux là, t'aurais pu faire mieux, t'as fait une seconde de moins encore. Ouais. Eh, Mickaël. Ouais. Eh, tends la joue là, tiens. C'est pas parce que t'appelles Mickaël que je vais t'épargner, hein. Je t'en remets une. Voilà, c'est tout. Bon. Et attention, hein, si jamais Mickaël tu perds, je te mets un coup de lance-flamme, tu vas t'en souvenir toute ta vie, d'accord? Ok. Bon. Allez, on y va, c'est parti. Bon, Benoît. Ouais, bon, faut faire mieux que 20 secondes, hein, toujours le même problème, d'accord? Ouais. Ouais, bon, allez, ça va. De quoi non. Bon, l'avantage, c'est que tu peux que battre ton propre record, hein, donc ça. Oui, de ce côté-là, on est tranquille. Bon, allez, on rappelle, c'est parti. Bonne chance, Benoît, quand même, hein. T'as été mauvais, Mickaël. Ouais, j'ai fait. Oh, yeah. Allô? Oui? Allô, bébé? Allô, qui? Bébé? Bébé, tu crois que je sais pas ce que t'es en train de faire. Oui, bien sûr, alors ta gueule. Mais oui, mais attends, je suis devant chez toi, d'accord? Je sais très bien qu'il est là. Ouvre la porte, je te jure, on va s'expliquer, c'est fini entre toi. Entre toi et moi, c'est fini, j'en peux plus. Ça peut plus durer comme ça. C'est fini entre toi. Faudrait peut-être. Ouais, c'est qui? Mais c'est moi, tu veux que ce soit qui? Tu veux que j'appelle ton mari? Oui, je te veux. Je sais très bien ce que t'es en train de faire. Je sais très bien avec qui tu es. C'est qui d'abord ? Mais c'est moi. Tu veux que ce soit qui ? Vas-y, c'est l'ignorante. T'en baisses combien comme ça par jour ? N'importe quoi. Il y en a qui s'amusent. Allô ? Elle est partie. 45 secondes là ! 45 secondes ! Bravo Benoît ! Bravo ! Eh ouais, 45 secondes mec, tu l'as mis la palle. Eh, Mickaël, viens ici. Ouais. Mickaël, viens ici. Mickaël, t'en la joues ? Oui. Oh. Mickaël ? On lui avait pas dit le petit peu. Ah ouais, t'inquiète, il est prêt là. Mickaël ? Oui. Viens ici. Approche-toi là. Allez, viens ici. C'est bon. Ah bah viens plus près encore là. C'est bon. Ouvre la bouche. Ah, je suis en feu. Ah bah oui, c'est le lance-flamme, Mickaël. Bon, Mickaël, tu n'as pas été mauvais, tu as été très mauvais. Ouais. Oh là là. Mauvais. Mickaël. Mickaël. Oui. Viens ici. Viens ici. C'est tout ce que tu mérites, Mickaël. Oh. Tu as fait honte au prénom. À tous ceux qui s'appellent Mickaël, tu as fait honte. Qu'est-ce ouais, que tu veux que je fasse? Désolé, hein. Bah oui, mais bon, c'est pas le tout d'être désolé, hein. Mickaël. Oui. Vas-y. Le typo. Voilà. Ah, eh, Mickaël, la méchanceté la plus extrême. Tourne-toi. Attention. Voilà. C'est tout ce que t'as mérité, Mickaël. Il y a plein de messages derrière qui sont arrivés. Hein. Il y a Intarder aussi qui dit visiblement « Certainement sont pas doués pour les appels de rupture, ils méritent les lance-flammes. » Bah oui, d'ailleurs, la preuve. Hein. Abby qui dit « Mickaël, ils sont mauvais ce soir. » Bah oui, on n'a pas des précis là tous les jours. Hein. Bah 7 oui, minutes ouais. La semaine dernière, là, quand même. Ouais. Hein. Et il y a aussi Maxime qui dit « Le poisson le plus rapide, c'est l'espadon. » Oui, mais c'est pas un espadon, c'est pas un poisson qu'on charge. C'est un insecte, Maxime. Kikiria qui dit « Mort de rire, je pensais même pas qu'on pouvait faire pire que 20 secondes. » Bah si, t'as vu la preuve. Hein. Et alors Paul sur le Facebook, il dit la semaine dernière record de longévité et cette semaine record de l'appel le plus court, mort de rire. Bah oui, là pour le coup effectivement. On a fait les deux extrêmes là. Exact, Céline qui dit le lance-flamme à fond dans les écouteurs, ça fait mal. Mais non, Céline, t'inquiète. Mais c'est mignon. Je sais pas en quoi c'est mignon, mais c'est mignon, ouais. D'ailleurs, si vous voulez prendre un petit coup là, je compte sur vous, si vous êtes avec des écouteurs, là, mettez un peu plus fort. Encore un peu plus fort. Encore un peu plus fort. Mettez encore un peu plus fort. Voilà. Voilà. Ça va mieux là ? Ouais. Hein, on a enlevé tout le sébum là qu'il y a dans les oreilles là, tout le machin jaune, brun, vert, toutes les couleurs. Ouais, toutes les couleurs. Parfait, Mickaël va te nettoyer les oreilles aussi toi accessoirement. Ah, hein. Oh, c'est vrai. Mickaël ? Oui. Viens ici. Oui. Oh. Voilà. Bon, la prochaine fois tu seras meilleur, hein, d'accord ? Ouais. Bon, je compte sur toi. Mickaël, tu repars les mains vides. Salut Mickaël. Ah, merci. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Hein. Et Benoît, le pack fun. Quand même, Mickaël, bah écoute, je t'en prie. Tu remercies l'autre Mickaël d'avoir été mauvais. Ouais, ah oui, d'accord, ok, bah t'inquiète pas là. Si tu veux, hein, toi bon, aussi, hein, il a déjà pris cher, hein, t'inquiète pas pour aujourd'hui. Hein, je pense que c'est bon là, son compte est bon. Bon, mais Benoît, bah, merci à toi d'avoir participé. Tu retournes chez Sandro Standard, on va te filer le pack fun comme promis, d'accord ? Ouais, ça marche. Salut Ben, à bientôt. Ciao, merci. Allez, ciao à toi, Benoît de Strasbourg, là. Merci d'être passé, en tout cas. Grégory, dans un instant, le retour. On va prendre Jimmy également avec la colle. T'es là, Jimmy ? Oui, je suis là. Bon, très bien. Alors, Jimmy, rappelle vite fait la colle, là. Donc, c'est pas les spadons, hein ? Non plus, non, c'est pas ça. D'accord, ok, très bien. Alors, vas-y, donc... Alors, quel est l'insecte le plus rapide du monde ? Quel est l'insecte le plus rapide du monde ? Bon, bah, si vous avez la bonne réponse... Ouais, c'est bien. Si vous avez la bonne réponse, là aussi, pack fun à gagner ce soir sur Fun Radio. À vous de jouer, vous envoyez tout simplement maintenant votre réponse hein, par SMS. Vous envoyez MIKL, espace la réponse, et votre numéro de téléphone au 64 900 ou pour la Belgique au 63 22. Voilà, répète encore un coup, Jimmy, tant qu'on y est. Alors, quel est l'insecte le plus rapide du monde ? Très bien. Allez, bonne chance tout le monde. Jimmy, tu vas pas bouger, on donne la réponse d'ici 10 petites minutes. À vous de jouer également. Retour avec Grégory dans un instant. On va appeler aussi des gens par rapport à la meuf là qui veut rentrer dans le Guinness Book, qui est tapé 100 000 mecs. Oui. Voilà. Un petit record comme ouais, ça. Ouais, un petit record, exactement. On fait ça dans un instant sur Fun Radio, restez bien là. Et puis je vais vous caler aussi du son évidemment avec Carolina Marquez sur Fun Radio. Allez, merci à vous hein, pour le top tweet là, ça fait plaisir. Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit pour être en top tweet, alors nous ça arrive tout seul, donc c'est plutôt cool. Voilà, vous tapez le hashtag Mickaël là, si vous voulez venir nous rejoindre et discuter avec nous. On est là, prenez le contrôle par le standard 01 42 48 5000, par Facebook, facebook.com/Mickaël officiel, et bien sûr par Twitter et Instagram. Vous tapez Mickaël officiel également. Bonne nuit tout le monde, minuit 7, on est en direct et dans un instant, je vous balance une heure sans pub sur Fun, ça va faire bien ça. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Tous les soirs. Fun Radio. 23h, 2h. No limit. No limit. Mickaël. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, bonne nuit tout le monde. Allez, si vous voulez venir discuter avec nous, vous êtes les bienvenus, prenez le contrôle. Ça se passe au 01 42 48 5000, numéro qui est gratuit hein, si vous appelez depuis une box. Et puis si vous appelez de votre forfait, bah, ça va décompter une minute de votre forfait. Mais on vous rappelle évidemment juste derrière, c'est un numéro non surtaxé. Voilà, comme ça vous le savez. Marie qui dit aussi, c'est pas du sébum qui est dans les oreilles, mais du sérum. Oui, c'est ça. Cérumen, cérumen. Merci Marie, cérumen exactement, et autant pour moi. Merci Marie en tout cas. Unreachable qui dit, je suis trop fatigué pour continuer à vous écouter, mais vous êtes géniaux et vous déchirez. Oh, tu m'as déçu Julie. Ouais. Très déçu. Je pensais pouvoir compter sur toi là et tu viens de me décevoir, c'est dommage. Bah tu gagneras pas le Samsung Galaxy que j'ai mis en jeu sur le Facebook, hein, donc qui est à gagner ce soir avant 2h du matin. Si vous voulez tenter de le gagner, vous faites un like sur la photo là. D'abord vous venez sur nous rejoindre évidemment facebook.com/Mickaël officiel. Vous faites un like sur la photo où il y a le Samsung Galaxy, vous le partagez tout ça. Et si vous êtes tiré au sort tout à l'heure, et bien je vous l'offre. Voilà. Allez, bonne chance tout le monde, rejoignez-nous, faites péter le message aussi auprès de vos amis, qu'on est là tous les soirs sur Fun Radio entre 23h et 2h du mat. Et le dimanche, évidemment, de 20h à minuit. Je compte sur vous. Hein. Carolina Marquez, on écoute maintenant Sing La La La sur Fun. C'est Fun Radio. Et ouais, avec le vieux bruit du micro, là, on se croirait dans un bateau. Avec Carolina Marquez à l'instant, c'était Sing La La La sur Fun. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Exactement. Vous balancez tous vos messages évidemment en direct sur Fun Radio jusqu'à 2h du mat. Avec plein de messages qui sont arrivés aussi. On peut avoir un coup de pipeau et de piano là. Ça fait longtemps. C'est Kikiria. Alors le pipeau, on l'a eu là. Le piano, vous êtes chiant là. Il faut chaque fois que je bouge tout le bordel. Là. C'est un gros piano. Ouais. Quoi. Bah ouais. Alors attendez. Faut que je le fasse venir là. Attendez. Ça roule là. On l'emmène là. Pousse un peu à droite, Tof, ouais, là. Voilà. Attention. Voilà, parfait. Bon, bah, très bien. Maintenant, je suis installé. Attention. Je me mets derrière le piano. C'est parti. Allez, Pipo. Coup de pipeau ? Avec plaisir. En même temps, là, en même temps que moi. Et je t'accompagne. Vas-y. Magnifique. Ah, pêcher toutes les meufs avec ça. Ah ouais. Bienvenue sur Fun Radio. Salut. Le son piano floor. Voilà. Bon, vous voulez un peu de piano là, bah voilà, donc vous m'avez fait bouger tous les meubles, hein, donc j'espère que vous avez bien kiffé. Jennifer qui dit, la libellule est l'insecte le plus rapide du monde. Ah bah attends, on va vérifier. Jimmy, t'es là ? Ouais, je suis là. Bon, est-ce que c'est la libellule ? Non plus, c'est pas ça. Ah, c'est pas la libellule. Bah Jennifer, c'est perdu du coup, dommage. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Ophélie qui dit encore un gros fun à vous écouter ce soir, j'adore. Merci Ophélie, bienvenue à toi aussi. Héloïse qui dit bonsoir, je voulais savoir quelle était la colle de ce soir. Vous êtes super, je vous découvre depuis peu. Vous me pliez de rire, continuez comme ça, vous êtes géniaux. Merci Héloïse. Bah ça tombe bien, on a justement Jimmy tiens, qui est là. Tu peux répéter la colle s'il te plaît pour Héloïse ? Alors, quel est l'insecte le plus rapide du monde ? Quel est l'insecte le plus rapide du monde ? Voilà. Bon bah très bien. Si vous avez la bonne réponse, Kevin aussi qui dit à quand le bazooka dans la tête de Toff. Bah il faut que je l'achète, hein, je l'aurai pas ce soir, hein. Restez calme. Vous déchirez grave l'équipe, la meilleure équipe du soir, c'est Baba qui envoie le message. Merci. Et petit panda qui dit Mickaël, vous connaissez l'insecte le plus rapide à se faire raccroché au nez, bah c'est Benoît qu'on a eu tout à l'heure évidemment. Et puis Kevin aussi qui dit quel grand pianiste Mickaël, tant d'émotions dans ce morceau. Oui, c'est vrai, effectivement, je suis assez d'accord. Et Ambre aussi qui veut Need Your Love, s'il vous plaît. Bah en fait on l'a déjà mis le son de Calvin Harris, donc il fallait arriver plus tôt. Ambre, ouais. Mickaël qui dit c'est un frelon l'insecte le plus rapide, c'est ça ou pas Jimmy? Non, c'est pas ça non plus. Ah, c'est pas ça non plus. Bon, bah attends, on va appeler maintenant le gagnant ou la gagnante là. On va essayer en tout cas. Si la personne qu'on appelle maintenant a la bonne réponse, eh bien tu perds. Si elle ne décroche pas ou qu'elle a la mauvaise réponse, Jimmy, tu gagnes. On y va, c'est parti. Allô ? Oui ? Oui, bonsoir, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio là. Comment tu t'appelles ? Ah, bonsoir Mickaël. Comment tu t'appelles ? C'est Toff. C'est Toff ? Oui. Ah, tu t'appelles Toff aussi, mais t'as choisi volontairement Ah, je m'appelle Christophe. Ah, ben il vaut mieux t'appeler Christophe, hein, parce que comment t'expliquer que Toff... Non, il a raison, c'est naze. Tu vois, ça fait penser au nôtre et c'est pas forcément une bonne chose pour toi, quoi, je veux dire. T'as raison. Ouais, c'est ça. Bon, Christophe, alors, est-ce que t'as la bonne réponse, là ? Quel est l'insecte le plus rapide du monde ? Oui, c'est le pou, parce qu'il est toujours en tête. Jimmy ? Ouais, voilà, c'est ça. Ah, bah voilà ! Eh ben voilà Jimmy. Eh ben voilà Jimmy, c'est perdu. Bah y a pas de souci. Bah là, voilà, Mickaël, écoute, ça arrive même au meilleur, hein, pas de problème, hein, ouais Jim. J'ai un truc à te dire là, vite fait, parce que si tu veux, du coup j'ai une pote, je disais que je passais à la radio. Ouais. Et du coup, elle a cherché la radio sur son portable, elle la trouvait pas, et puis elle l'a réinitialisée, du coup elle a tout perdu, les photos, les contacts et tout. Oh enfin, merde. C'est la galère. Là, franchement, elle va pas du tout là, c'est la galère totale là. Ah bah ouais, bah écoute, c'est con, ouais. Sinon elle vient à la radio et puis Toff lui reconfigurera bien tout sûr, ça. Je vais tout leur mettre. En une nuit sans problème. Bah, pour lui retrouver les photos et tout ça, ça va être la galère. Moi. T'inquiète pas. On fera des photos, on en mettra des neuves. Voilà, des nouvelles, parce que les vieilles étaient périmées. Hein. Mais non, comment elle... Et du coup, elle écoute ou elle écoute pas là ? Bah non, du coup, elle peut pas écouter là. Oh merde. Galère, quoi, elle déprime, elle est triste. C'est rien. Tout. Mais bah, donc tu vas consoler, t'inquiète. Tu vas prendre cher, quoi. Les photos de son neveu et tout ça, bah. Oh là là là là là là. Avec elle est sauvegardée, hein. Oui, ça aussi, ouais, effectivement. Bah moi, au baptême de ma soeur, j'avais fait des photos et tout, 300 photos et tout, et on m'a volé ma carte mémoire aussi, donc c'est bien. Ah, la galère aussi, Jimmy, ouais, effectivement. Aussi, ouais. Bon, écoute, ouais, désolé pour elle, tu l'embrasses pour nous en tout cas, d'accord ? Ouais, bah, je lui fais une dédicace, elle s'appelle Marie, je lui fais une dédicace, c'est une dédicace à tout le monde aussi, à tout le monde. Ça marche. Bon, bah, salut, Jimmy. Est-ce que je peux gratter un truc vite ou pas ? Que dalle, puisque t'as perdu, Jimmy. C'est vrai, bon, c'est rien. Gratte ton pied. Ouais, tu peux te gratter le dos si tu veux. Bon, Jimmy, la prochaine fois, t'inquiète, tu reviens quand tu veux, il n'y a pas de problème. Okay. Merci beaucoup. Salut Jim. Allez, ciao à toi. Et puis, Christophe, du coup, tu vas retourner chez Sandro. Sandro, on prend toutes tes coordonnées. Ouais. Dédicace à Jimmy pour avoir perdu. Bah voilà, écoute, bah, c'est ça, c'est gentil, c'est fair play, c'est fair play, c'est bien. Salut Christophe, et passe une bonne soirée, on aura Amandine dans un instant là. Bonsoir Amandine, t'appelles pour quoi ? Parce que j'ai une histoire, je suis amoureuse du copain de ma meilleure pote. Ah oui, c'est ça. Eh bien écoute, on va en parler dans un instant. Avant ça, il faut qu'on appelle. T'as entendu parler du truc là, la polonaise là qui veut se taper 100 000 mecs ? Non. Non, ah bah voilà, en fait, en gros, c'est une meuf qui... donc, c'est une Polonaise qui a décidé, pour rentrer dans le Guinness Book, de se taper 100 000 mecs. Ouais. Voilà. Et donc, on a fait un petit calcul, et en fait, ça fait quand même 14 mecs par jour pendant 20 ans, 7 jours sur 7. Ah, super. C'est sympa comme défi, c'est non? Génial, tu veux pas l'essayer? Ah ouais, tu veux pas essayer, Amandine? Parce qu'au moins, toi, t'auras fini à 36 ans. Ouais, 36 ans, t'auras terminé, Amandine. Bah c'est bien, non? Ce rire. Bon. Et Amandine, c'est quoi ce rire? Oh, c'est bon. Mais oui, c'est bon. Alors, on est bon là, on est bon. Amandine ? Oui. Rigole ? Non. Elle est pas venue faire sa cagole à l'antenne, hein ? Mais non. Amandine ? Oui. Allez, rigole. Non. Bon, allez, je te fous la paix, Amandine. On l'appelle et puis on te reprend après, d'accord ? Ok. Ouais. Allez, rigole. Non. On dirait une petite un bébé, tu vois. Même. Oh c'est bon ça. Ah si si, attends, rigole encore un coup là. Non. Si si, vas-y. Tu vois, c'est le même. Elle est énorme, j'adore. C'était un bébé, hein, au cas où, parce que il y en a peut-être qui sont encodés le son, un truc un peu bizarre, mais enfin bon. Bon, Amandine, on te reprend dans un instant, là, bouge pas de là, et donc on va appeler des gens du coup pour essayer de voir s'ils veulent éventuellement participer à ce record du monde. Allons-y. Bon, bah très bien, allez, c'est parti, on y va. Est-ce qu'on va tomber sur quelqu'un d'aussi agréable que hier au restaurant chinois ? Nous verrons. Surprise. Surprise. Déjà, ça décroche. Ah, hello ? Hello, bonjour. Bonjour. Oui, voilà, en fait, je vous appelle pour participer à un record du monde, monsieur. Tu veux parler anglais? Bien sûr, très bien. Est-ce que tu veux mettre un petit coup de ton beat dans les madames? Non, je comprends pas. Bon. You have a dick? A jeet, yes. Non, a dick. Hello? I have a... Yes. You know? No. You know, dick, like beat. No, oh, sorry, I didn't understand. Non, me too. Bon, allez, bonne journée. Au revoir. Ouais, on a quand même le cul d'avoir tombé sur un mec qui parle pas français quand même. Hein. Non, mais... Comment vous expliquer que c'est quand même vraiment pas de bol, quoi. Et le nouveau slogan, a bit like dick. A dick like beat. Bon, on appelle quelqu'un d'autre du coup, hein. Oui, allez. Allez, c'est parti. On y va. Je sais pas où on va non plus, tant pis, c'est pas grave, on verra bien. Bon, pas en Angleterre déjà, hein. Allô. Oui, bonsoir, monsieur. Ouais. Oui, voilà, en fait, je vous appelle pour participer à un record du monde. À quoi ? Un record du monde. Ah non, je suis pas intéressé. Bah attendez, je vous ai pas encore expliqué ce qu'il fallait faire. Ah, faire quoi ? Bah en fait, voilà, vous avez entendu parler de Anya Livskaya ? Non. C'est la femme qui veut en fait se faire démonter par 100 000 mecs. Ah non, je suis pas intéressé. Et donc, je voulais savoir si vous auriez le temps de venir lui mettre un petit coup. Bah non, nique ta mère la pute. Je vois pas le rapport, monsieur, c'est Anya qu'il faut niquer, pas moi. Ouais, bah nique ta mère la pute toi, fils de pute. Enfin, monsieur... Arrête d'appeler, va niquer ta grand-mère, fils de pute. Oh, oh on est bon, et derrière, le... c'est qui? Va niquer ta grand-mère. Oh là là, qui manque de respect. Mais c'est des... Bah on va le rappeler, hein. Hein? Faut t'es sûr? Bah oui, non, non. Bon allez, vas-y. T'as des boules, t'as des couilles ou pas? Un peu. Ouais, bon allez, on rappelle. Allez, c'est reparti. On y va, on rappelle. Même pas peur. Va niquer ta mère. Ta grand-mère. Allô. Oui, excusez-moi, on s'est mal compris, c'est pas ma mère qu'il faut niquer, hein. C'est Anya, et donc il y a 100 000 mecs qui doivent la niquer. Et donc je voulais savoir si vous vouliez mettre un petit coup à votre tour. Par contre, je pourrais bien niquer ta mère si tu veux. Bah oui, mais bah, elle est pas intéressée, elle. Bah arrête d'appeler, petit PD. Hein. Bon, attends, et il est chaud lui, hein. On va le rappeler encore un coup, tiens, attendez. Hop là. Il est bon, hein. Très très bon. Non. Bah oui. J'aime bien les gens qui n'aiment pas Toff. Ouais. Allez. Allez, décroche plus maintenant. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Oh, déception totale, déception totale. Bon, rassurez-vous, j'ai récupéré le son hein, déjà. Attention, nous avons un stagiaire qui est plus rapide que l'éclair. Et Toff ? Oui. Par contre, je pourrais bien niquer ta mère si tu veux. Ah, ils ont... hey, on fait une collection, hein. Alors, ça c'est hier. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. Voilà, et puis ce soir. Par contre, je pourrais bien niquer ta mère si tu veux. Ah, on est pas mal, hein, on est pas mal quand même. Amis, hein. Que des amis. Ah, mais que des amis, ouais. Bon, on appellera d'autres tout à l'heure, là, Amandine. Oui. Ah, ils étaient gentils quand même, là, non? Non, il était un peu méchant. Oh, vite fait, vite fait, vite fait, vite fait. Tiens, il y a Jessica qui dit mort de rire, vous êtes des oufs, les gens cachent, ils insultent. Ah bah ils ont pas peur, hein, Jessica sur Twitter. Il y a Banana qui dit You have a dick, ça m'a tué. Yaya aussi qui dit You have a dick, no. Donc déjà on sait qu'il a pas de tub. Hein. Mickaël qui supplie Amandine et, quand elle rigole. T'as vu, il y a des fans de toi, Amandine. Au Kong. Yaya aussi qui dit maman le rire d'Amandine, ah ouais, trop chaud le coup du bébé, c'est Kikiria. Et Florent qui dit aussi Mickaël, pour récupérer les données perdues d'un appareil il faut le brancher au PC et avoir le logiciel Recuva. Mais ça dépend du téléphone, ça dépend s'il a déjà fait une sauvegarde à un moment ou à l'autre, j'imagine. Oh, la discussion de geek là avec Et Neymar aussi. Tu vas 36 toi. Neymar aussi qui dit c'est une tuerie ce que vous faites, on vous écoute tous les soirs au taf, on vous suit à fond en cuisine, bisous à tous. Merci Neymar et Quentin qui dit mort de rire le rire d'Amandine, mort de rire son rire ses prismes. Moi j'adore le rire d'Amandine. Eh, t'as vu, t'as des gros fans là. Non mais là c'est pas moi. Eh bah attends, eh, rigole un peu pour moi. Non. Allez. Je la veux pour moi. Allez pour moi. Non mais j'arrive pas comme ça. Monsieur, attends. Bah, Toff, fais-lui une blague. Attends, vas-y, fais-lui une blague. Alors bon, c'est merde. Il l'a oublié. Non. Est-ce que tu connais la blague de la chaise? Non. Ouais, c'est dommage parce qu'elle est pliante. T'as compris. Eh ben voilà. Bon, c'est là-dessus qu'on va te reprendre dans un instant, Amandine. On va se faire le son de Tapo et Raya. Ça te branche ça, le son du soleil? Ouais, ça va. Non, bah si tu veux, je mets autre chose. Hein. T'as envie d'écouter autre chose? Oui, Animal. Animals, ouais, ouais, mais Martin Garrix, on va le mettre tout à l'heure. Bon, ouais, tu sais quoi, on va te le mettre maintenant. Là, si on va me saouler. Bon, alors. Ah, ouais, qu'est-ce que t'as dit? C'est bien. C'est bien. Eh, t'as vu un peu, c'est bien. C'est bien. Attends, je vais te le mettre maintenant. Attention, regarde. Martin Garrix, voilà, c'est pour toi, Amandine. Eh, on peut avoir une photo d'Amandine pour voir à quoi elle ressemble? Alors, un bébé. Elle ressemble à un bébé, voilà, tout simplement. Bon, Amandine, on te reprend dans un instant, d'accord? Ok. Allez, bouge pas de là, c'est Mickaël aux limites. Prenez le contrôle de Fun Radio, on est là jusqu'à 2h du mat, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Par contre, je pourrais bien niquer ta mère si tu veux. C'est Fun Radio, bonne soirée tout le monde. Mickaël No Limit, on est il est quoi, minuit 28, là on est là jusqu'à 2h du mat ce soir et puis on est avec des amis hein. Par contre, je pourrais bien niquer ta mère si tu veux. Voilà, on est avec des amis, tout le monde est là hein. Oui, c'est ça, va te faire enculer fils de pute. Voilà, tout le monde est là, tout le monde est là, on est là entre amis. On est bien. Eh ben on est entre potes ici, c'est la famille, y a pas de problème hein. Y a Banana qui dit moi j'ai une blague, un hippie, il urine pas, il pisse. Oh, c'est lourd c'est ça. Mal, c'est Ambre qui dit aussi, vous êtes super, continuez comme ça. Abby aussi qui dit, oh oui, merci Amandine, grâce à toi, il y a Animals. Eh ben voilà, tu vois, t'as fait des heureux, Amandine. Trop forte. T'as vu un peu, hein. Jules aussi qui dit, on fait une bonne émission pour me coucher sur Fun. Quoi, Jules, sous-entendu que les autres jours on fait de la merde? C'est ça que tu essaies de dire, Jules? Je ne t'oblige pas à intervenir. Annie, ouais, j'ai mon lance-flamme, fais gaffe. Il y a Annie qui dit aussi, ils sont cons. Rémi qui dit, you have a dick, like a beat, il m'a tué. Et Quentin H qui dit aussi, Mickaël, elle a un rire de ouf, je l'épouse quand elle veut. Elle a 16 ans, t'emballe pas, Quentin, reste calme. Jonathan aussi qui dit, l'anglais selon Toff, ma prof vient de se pendre. Ah, vient de m'appeler, elle vient de se pendre, à mon avis. C'est qu'elle voulait dire, Jonathan. Et Banana qui dit, j'ai rien à dire, sauf que je vous kiffe. Merci, merci Banana. Il y a Prisme aussi qui dit, c'est possible de faire une dédicace à tous les Katy Cats. Eh ben voilà, le message est passé, Prisme. Et puis Slim Dodo aussi qui a envoyé un message qui dit, je peux avoir un coup de lance-flamme, Mickaël. On veut écouter Major Lazer également ce soir. Eh ben écoute, le lance-flamme, il est pour toi. Tiens, prends ça dans la gueule. Voilà, et puis je rappelle également qu'il y a toujours le Samsung Galaxy également à gagner ce soir hein, sur le Facebook de l'émission. Si vous voulez le gagner, Samsung Galaxy, eh ben, ne laissez pas partir aux autres. Ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Si vous voulez le gagner, hein, vu l'heure qu'il est, vous avez toutes vos chances. Il suffit simplement de venir nous rejoindre maintenant sur Fun Radio sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Je vous souhaite bonne chance. Et Annie qui dit, j'ai zappé mon film pour vous regarder. Bravo. Non, écoutez, parce qu'on fait de la radio, Annie. Mais c'est gentil en tout cas. Merci à toi. Et Nathan qui dit, vous avez pas enregistré, le nique ta grand-mère, vous assurez grave, je vous adore, je ne peux plus me passer de vous. Si, on va essayer de le retrouver, je vais demander au stagiaire là, de me sortir ça tout de suite là. Bon, Amandine. Oui. Bon, tu nous appelais parce que toi, t'étais en kiff sur le mec de ta meilleure amie. Mais il y a plein de mecs et tu dois absolument prendre le même que ta copine. C'est dingue. Ouais. Ah, mais il est là, il est dispo donc. Il est pas dispo. Ouais, pourquoi? Mais le truc, c'est qu'il s'est déjà passé quelque chose. Ah, en plus. Comment? C'est dégueulasse. Bon, qu'est-ce que t'as fait? Rien, moi, c'est juste embrassé, c'est tout. Mais bon, c'est le mec à ma meilleure amie, quoi. Ah ouais, bon ça va, c'est rien de grave quoi. Non, une petite galoche vite fait quoi. Non mais ça va, ça pourrait être pire quoi. Ouais mais bon, je sais pas comment elle va réagir. Ah bah mal hein, ça c'était pas besoin d'aller voir un voyant pour le savoir. Hein. Elle est avec elle depuis combien de temps? Comment? Elle est avec elle depuis combien de temps? Non. Combien? Non. Un an? Ouais bah oui. Bah, elle va gueuler, hein, ça c'est sûr. Ah oui je crois. Oui. Ah bah je te confirme. Qui a embrassé qui? C'est toi ou c'est lui? Enfin, qui a cherché qui? Comment? Hein? Qui a embrassé qui en premier? C'est nous deux dans une soirée et après ça a continué. Ouais mais c'est qui l'a cherché? C'est toi qui lui a fait des avances ou c'est lui qui est venu vers toi? C'est lui qui est venu vers moi. C'est lui hein. Ah ouais, mais vous étiez un peu éméché ou pas? Non. Non, bon alors aucune excuse quoi. J'essayais de trouver une excuse. Hein, genre, ouais mais on était bourrés, écoute, bon ça arrive, non. L'accident bête, etc. etc. Mais là pour le coup, là on peut rien faire. Hein. On avait juste envie quoi. Ah ouais, rien faire du tout. Vous êtes déjà tapé, Polo, t'es déjà tapé la meuf d'un pote ou d'une copine? Non, plutôt non. La meuf d'un pote en l'occurrence. Parce que souvent mes potes ont des meufs un peu moches. suivez mon regard. Mais elles sont vraiment dégueulasses. Je vous donne un indice. Mais c'est un antivol très efficace. Hein. Oui, c'est un. C'est vrai que quand Toff me présente ses copines, j'ai pas du tout envie. C'est ça. Tu vois, il tourne la tête. Il arrive en mode à la cool parce qu'il sait qu'il y aura pas de problème, tu vois. Ouais, c'est jamais de problème. Voilà, c'est ça le côté cool. Ce que j'ai toujours dit à Polo, c'est que les meufs moches, c'est plus facile. Ouais. Bah oui, dans l'absolu, effectivement. Tiens, il y a Big Bad Mother aussi qui dit je peux avoir un coup de lance-flamme. Je vais le mettre, Big Bad, là. Il faut attendre qu'il se recharge un peu, là. Jordan qui dit Amandine, je kiffe son rire. Et Mastan Nouche. Et c'est à nouveau ça, je l'ai pas encore vu celui-là. Pareil pour Big Bad Mother, d'ailleurs, cela dit. Bienvenue hein, sur Twitter. Si vous voulez nous suivre aussi, n'hésitez pas. Et Mickaël officiel évidemment. Et Mastanos aussi qui dit je vous écoute tous les soirs jusqu'à 2h alors que je travaille le lendemain à 7h. Et bon courage aussi hein. Je vous écoute tous les soirs, je vous adore, merci de nous faire autant rire. Gros bisous à toute l'équipe, c'est Anne-Claire. Merci Anne-Claire qui avait envoyé son SMS là. Et Maxime aussi qui dit bordel vous gérez, je peux pas dormir, je suis accro. Continuez comme ça les gars, j'aime le rire d'Amandine, mort de rire. Putain, bon. Et tout le monde écoute pour toi Amandine, t'as vu un peu la star là? Ah, mais là, c'est bon, hein. Ah, bah ouais, mais bon, attends, les mecs, les gens, ils aiment ton rire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Des mecs en plus, tu vois. Et des mecs en plus, c'est ça. Tu vois, t'es en train de te taper le mec de ta meilleure amie, là, alors qu'ils sont tous là en chien sur ton rire et tout, là. C'est comme dommage. Ouais, mais je les connais pas aussi. Bah ouais, je sais bien, mais bon. Bon, et sinon, le mec de ta meilleure amie, t'es vraiment kiff dessus ou pas? Ah oui. Ah ouais. Bon, bah écoute. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on appelle ta copine. Qu'est-ce que tu veux faire? Elle l'a embrassé aussi déjà, je sais pas si elle l'a embrassé. Ouais, elle l'a dit, ouais. Elle l'a embrassé, soirée, tout ça. Il la kiffe aussi. Ouais, oui, en plus, ouais. Bon, Amandine, reste là. Dites-nous, tiens, mettez le hashtag Mickaël là maintenant. Est-ce que vous voulez qu'on appelle la copine d'Amandine là en live and direct? Alors, petit tour du côté du studio. Bah évidemment. Évidemment, Polo. Il faut lui dire la vérité. Qu'on appelle tout le monde. On remonte à 4 générations. Ah putain, ça va nous faire un amour, gloire et vulgarité. Je le sens bien, ça, l'épisode 3 qui arrive là. Ah ouais. Sandro, on appelle? Ah bah oui, il faut lucider. Bon bah alors dites-nous. Je mets mon imperméable de Colombo. Je pars immédiatement enquêter afin de voir ce qu'il s'est passé. Donc si vous voulez avec mon chien, mon cigare et ma Peugeot. Donc si vous voulez si vous voulez qu'on appelle la copine d'Amandine là, pour lui avouer en direct qu'elle est en kiff sur son autre mec. C'est même plus que ça, elle est plus qu'en kiff, elle s'est déjà tapée son autre mec. Alors pas couché ensemble, mais quand même petite galoche quand même malgré tout. Question, Amandine, t'es prêt à ne plus être amie avec ta copine là? Ouais. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, là c'est complètement chaud là, d'accord, ok. Bon, pour un mec, je vous rappelle. Amandine, reste là, 2 secondes quand même un petit peu, hein, et puis nous on va appeler d'ici quelques instants. Si jamais vous êtes d'accord, dites-nous. Alors je vais mettre le poste directement là, attendez. Alors voilà, hop là, voulez-vous qu'on appelle la copine d'Amandine pour lui annoncer. Voilà, je mets en live hein, comme ça, parce que en même temps je peux pas tout faire pour lui annoncer qu'elle se tape son mec. Voilà, tout simplement. Bon, alors je compte sur vous. Vous mettez maintenant votre message sur le Facebook et sur le Twitter. Vous y allez, allez-y. Hein. Facebook.com/Mickaël officiel. Sur le Twitter, vous tapez Mickaël officiel, pareil, et vous mettez le hashtag Mickaël. Bien entendu, je compte sur vous. On fait un petit topo dans un instant. Si vous êtes pour ou contre, on fait ça dans un instant. Amandine, tu restes avec nous. Mathéo. Et puis on va encore appeler quelques personnes là pour essayer de leur trouver un petit plan sympa là par rapport au Guinness Book là, puisque c'est la Polonaise là qui a décidé de se taper 100 000 mecs. Bah oui, comme ça ils vont pouvoir rentrer dans le livre des records. Exactement. Tout à l'heure on est tombé sur quelqu'un de très sympathique. Par contre, je pourrais bien niquer ta mère si tu veux. Voilà, très sympathique. Sympa, classe. Ça le remet. Par contre, je pourrais bien niquer ta mère si tu veux. Voilà, très gentil. Enfin bref, on sentait le gars très agréable. Oui, oui. Très agréable. Ça me ferait plaisir de le revoir. Bah, j'imagine. Et puis hier, c'était ça. Oui, c'est ça, va te faire enculer, fils de pute. On avait appelé dans un restaurant chinois, donc on va voir si là, on a un peu plus de chance quand même. Hein. On y va, on appelle, Taf, t'es prêt? Allez, on y va. Allez, c'est parti, on y va. Parfait, ça sonne. Et puis dites-nous si on doit appeler la copine d'Amandine. Hein. Je compte sur vous. Hashtag et Mickaël maintenant sur Twitter. Ou alors sur le Facebook également. Facebook.com. Oui. Oui, bonsoir madame. Dommage. Oui. Oui, bonsoir. Est-ce que je pourrais parler à votre mari? C'est à cette heure-ci que j'appelais, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Ben, je voulais parler à votre mari, parce qu'en fait, je m'occupe de la tournée française de Anya Lizweska. Je comprends rien de ce que vous me dites. Ben, je veux parler à votre mari, madame. Bon, il est pas là. Ah bon? À cette heure-là? Alors c'est pourquoi? Dites-moi qui vous êtes. Ben en fait voilà, je m'occupe de la tournée de. Vous avez entendu la Polonaise qui veut se faire 100 000 mecs. J'en sais rien, moi je connais pas ça. Ben non, mais c'est pas grave. Et en fait, je cherche donc 100 000 mecs qui pourraient lui mettre un petit coup de bite. Mais ça nous a. Mais donc... dites donc, mais vous êtes dégueulasse. Mais pas du tout. Et donc je voulais savoir si ça intéressait votre mais mari. Non, mais dites donc, ça va pas la tête. Mais si. Mais dites donc. Mais non, de toute façon, moi je réponds pas aux cons, hein. Mais non, mais allez, salut, au revoir. Ah, elle a raison là, je réponds pas au con, moi aussi je veux cet extrait là. Et moi je réponds pas au con là, ça c'est aussi, ça je le veux celui-là. Stagiaire qui me découpe le petit passage là. Et vite, parce que tout à l'heure on était tombé sur quelqu'un de sympathique, c'était ça. Hein. Par contre, je pourrais bien niquer ta mère si tu veux. Voilà, donc là je voudrais, je réponds pas au con là, on va essayer de reprendre celui-là. Bon, on rappelle la petite dame, elle était gentille. Hein. Ah bah oui, très sympa. Très sympathique, on rappelle. Oula, sa gueule, c'est parti. C'est fini, oui. Oui, mais si vous voulez, je préférerais en parler entre hommes avec votre mari. Ça va pas la tête, mais faites-vous interner, hein. Mais pas du tout, madame, c'est très sérieux. c'est pour battre un record du monde. Mais je m'en fous, moi. Je vais débrancher mon téléphone et je serai tranquille. D'accord, mais votre mari... Non. Ah bah voilà. Connard, là. Exactement, voilà, exactement. Oh bah je ne saurais pas. Ah bah là on saura pas malheureusement, bah c'est dommage hein. Tant pis, ouais. Bon on rappellera tout à l'heure hein. Bah oui. À d'autres endroits. Si vous avez des numéros de téléphone de gens qu'on peut appeler, vous êtes sûr qu'ils sont encore réveillés à cette heure-ci et qu'ils sont un peu comment dire un peu tendus. Oui, ça va te faire enculer, fils de pute. Voilà, n'hésitez pas à nous donner le numéro de téléphone évidemment hein. Vous appelez Sandro au standard 01 42 48 5000 ou pour la Belgique 02 851 4x0. Ce serait sympa qu'on puisse éventuellement un petit peu en parler quoi, je compte sur vous. Il y a Prime qui dit mort de rire, la vieille répond pas au con. Oui, mais elle a raison en plus hein. T'as vu comme quoi finalement c'est ça les meufs, elles ont un sixième sens. Ouais. Elle savait directement en décrochant que c'était un con téléphone. Ouais. Il y a Nadia aussi qui dit Mickaël, l'appel à la copine d'Amantine doit être fait impérativement, elle doit être au courant, ben, je suis assez d'accord. Et Miss Sizi aussi qui dit mais bien sûr encore un amour, gloire et vulgarité, que demande le peuple, lol. Eh bon, on va essayer de faire ça d'ici quelques instants. Et alors Yaya qui dit moi je réponds pas au con, c'était épique. Vous me faites trop rire, vous êtes ma drogue du soir, je vous kiffe trop, merci pour le message. Il y a Audrey aussi qui dit appelez la copine d'Amandine, je suis sadique, je veux que ça clash. Et petit panda qui dit moi personne touche à mon tof. Ouais bah t'as vu hein. Et on parle pas au con, alors petit panda s'il te plaît. Et Kikiria qui dit non mais dis donc vous êtes dégueulasse, mort de rire. Et Jonathan qui dit la mamie vient de te clasher tof, c'est épique, fais-toi interner. Ah oui, c'est vrai hein. Ouais. Va falloir te faire interner à un moment ou à l'autre hein. Je pense, j'y pense. Ça peut rendre service à tout le monde je crois là. Bon, on se fait le son de Duck Sauce maintenant sur Fun Radio. On se fait It's You tout de suite. Bonne soirée tout le monde, minuit 39. On est en direct jusqu'à 2h du mat, prenez le contrôle de Fun sur Fun Radio. Forcément, ça tombe tout le sens en même temps. Hein. De toute façon, moi, je réponds pas aux cons, hein. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Eh ben oui. De toute façon, moi, je réponds pas aux cons, hein. Eh ben voilà, tout est dit, moi, j'ai envie de dire. Hein. Tout est dit. Voilà, merci mamie en tout cas là pour le message. Il y a Swaggy Love aussi sur Twitter qui dit lance flamme pour les cons. Allez. Voilà. Bah qu'est-ce qu'il y a là, dis donc, reste calme ou je te mets un coup de. Ou je te mets un petit coup de lance-flamme aussi là. Quoi? Ouais tiens là. C'est pas parce que t'es petit jaune là que hein bon. Voilà. Voilà, vous pouvez dormir tranquille maintenant. Léa qui dit aussi, franchement, vous me faites marrer tous les soirs, là, je suis toute seule dans mon lit, explosée de rire, en espérant que mes parents m'entendent pas. Bref, je vous adore, continuez comme ça, vous êtes parfait. Bisous à Mickaël et toute l'équipe. Merci Léa. Y a qui aussi qui a envoyé comme message Valentin qui dit, salut à toute l'équipe, vous me faites rire, je voulais aussi faire une dédicace à Quentin, Marvin, Ludivine et à vous, bien sûr. Merci Valentin. Et alors, Rem aussi, on devrait faire un remix de toutes les insultes que vous prenez. Ouais, mais on est au début là. Attends, il y en a encore d'autres qui vont arriver là. Mickaël, j'ai mal au ventre. C'est Chris du 60 là sur le Twitter qui avait envoyé un message. Et alors, il y a Attends-moi aussi qui dit, vous me faites trop rire tous les soirs, je suis nouveau, bonsoir à tous, balance un coup de pelle. Je sais pas encore la pelle, là. Je l'ai commandé chez le Roi Merlin, elle arrive. Elle arrive. J'ai regardé chez Brico aussi, si c'est pas moins cher. Mais le bazooka, il arrive aussi. Et le bazooka aussi, il est en commande, il arrive. Dur, ouais. Mais le lance-flamme, par contre, il est là. Hein. Tiens! Voilà. Et puis il y a Angelou aussi qui a envoyé un message. Ça va faire un de ces clashs mort de rire, mais autant appeler. Et puis il y a Thomas qui dit, on appelle, ça va être énorme, ça va trop partir en live comme j'adore justement. Et justement Amandine. Oui. Ah voilà, très bien. Plein de messages qui sont arrivés. Énorme, c'est Vince. Il y a Colin aussi qui dit, je vous kiffe, je peux plus me passer de vous le soir, continuez comme ça. Merci. En tout cas, c'est gentil. T'écoutes depuis longtemps Amandine ou pas l'émission là? Comment? T'écoutes depuis quand l'émission? Ah, que depuis hier. Ah, que depuis hier. Bah écoute, sois la bienvenue Amandine, t'es chez toi ici, hein, tu sais. Hein. T'as vu, t'as demandé Martin Garrix, tu l'as eu direct et tout. Quel service ! Mais là c'est bon. Ah, t'as vu hein. Bon, n'oublie pas de dire à tes copines qu'on est là. D'ailleurs, on va lui dire à ta meilleure amie, on va l'appeler maintenant. On va directement lui faire la pub là. Et Clara qui dit, mais elle est au courant, qu'elle a 16 ans, dans 2 ans, elle ne sait plus qui est ce mec. Ouais, bah elle saura peut-être plus qui est son ami non plus, on va savoir. Tu la connais depuis combien de temps la meilleure amie a priori? Ça fait 6 ans pratiquement. Ah ouais, 6 ans. Il est temps de changer quoi. Mais non, il y a Enzo qui dit oui, appelez-la. Oui, allez, on appelle ces petits pandas. Et Wilfried qui dit, je pense que on veut tous connaître la vérité. Il y a Harmony aussi qui dit, vous pouvez pas continuer comme ça, c'est quoi? Vous pouvez pas continuer l'émission jusqu'à 5h parce que je m'endors jamais avant. Oui. Bah nous aussi, tu vois. Nous on s'endort avant par contre. Hein. Et Charlène qui dit, vous êtes géniaux, vous me faites rêver, appelez la pote d'Amandine, là, ça va être énormissime. J'adore vous écouter les loulous, merci à toi. Bon, eh ben écoute, on va y aller. Hein. Caroline aussi qui dit, je viens de Québec, là, vous me faites capoter tellement vous êtes drôle. Capoter. Vous me faites capoter. Que veut dire le terme capoter dans le jargon québécois? Dis-nous, Caroline, s'il te plaît. Et Charlène qui dit, vous êtes géniaux. Ah oui, et le téléphone pour moi ce soir, hein, pas de problème. Bah, écoute, on va essayer. Le téléphone a gagné, hein, je rappelle. Samsung Galaxy sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKAELOfficiel. Il y a un Samsung Galaxy, tirage au sort dans un peu plus d'une heure. Et bah, vous pouvez faire votre like. Hein. Je vous souhaite bonne chance en tout cas. Samsung Galaxy a gagné. Prévenez vos potes également. Ça se joue avant 2h en exclu sur Fun Radio. Raphaël. Qui dit, moi aussi je vous connais depuis hier, vous êtes carrément cool. Merci Raphaël et bienvenue à toi. Faites péter le message aussi autour de toi qu'on est là tous les soirs de 23h à 2h et le dimanche soir également de 20h à minuit. Voilà, je vais y arriver. Et il y a Attends-moi qui dit, péter rire, vous êtes trop fort, vous me faites trop rire, l'équipe dédicace à vous tous. Merci. Bon, et eh ben je pense qu'à l'unanimité là, on va appeler Amandine, hein. Ah ben je suis d'accord, oui. Ouais, tu veux qu'on... Attends, on va peut-être prendre Julie qui a peut-être un conseil à te donner avant d'aller au point de non-retour. Julie qui est avec nous de Vendée, là. Bonsoir Julie. Oui, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va. Bon, c'est la bienvenue. Tu voulais donner un conseil à Amandine avant de passer le point de non-retour? Bah ouais, parce que moi, ma meilleure amie, enfin, j'ai à peu près fait pareil, mais je suis allée un peu plus loin. Ah, t'as couché directement avec le mec? Non, mais juste avant, tu vois. Juste des préliminaires, quoi. Juste avant. Ouais. Vous avez fait les préliminaires, d'accord, ouais. Et maman, elle parle plus du tout. Hein. Ah oui, mais ça, tu t'attendais à quoi? Qu'elle te dise, waouh, alors, tu qui? Il est bien, mon mec, hein. Tu veux que je le garde ou pas, là? Non. Comment t'as trouvé? Oh, t'aurais pas dû t'arrêter au préliminaire, hein. Un mec, c'est moins important qu'une amie. Enfin, moi, maintenant, c'est mon point de vue, mais. Ouais, mais alors en termes d'audience, c'est mieux d'appeler la meilleure amie. Ouais, moi je suis d'accord. Mais c'est totalement égoïste évidemment, hein, mais en termes d'audience, c'est quand même vachement plus sympathique pour nous. Mais non, après bon, hein, c'est chacun comme il veut quoi, hein, c'est ça. Il y a Melvin qui dit Mickaël, dit Amandine qu'elle dise adieu à sa meilleure amie. Seb aussi qui dit dur de jouer là et de vous écouter en même temps sur le Twitter. Ah bah ouais, mais il faut être concentré mec, il faut écouter là. Elia qui dit vous faites délirer, première fois que je vous écoute et je pense que c'est pas la dernière, tous les soirs, y est pas, appelez la pote d'Amandine qu'on rigole. Merci Léa et sois la bienvenue sur Fun Radio. Lulu aussi qui dit je n'imagine pas toutes les filles qui ont un copain et qui ont une meilleure amie. Amandine qui écoute Fun qui doivent être en balise totale, toutes les Amandines. Ouais, bah ouais, c'est ça. Allez savoir, ça se trouve, hein. Si vous avez une copine qui s'appelle Amandine, elle va peut-être vous appeler dans un instant. Bon Amandine, t'as une question à poser à Julie au cas où? Non, c'est bon, ça ira, merci à elle. Bon bah écoute. Plus rien. Bah merci Julie. Hein. Ouais, ça va bien se passer, t'inquiète pas, on gère, hein, elle nous fait confiance. Ouais, je continue à vous écouter. Bon, bah, c'est cool. Merci à toi, Julie. Salut, bisous. Bonne soirée. À bientôt sur Fun Radio. Ciao à toi, bye bye. Bon, on va y aller, Amandine. Allez. Ah, un petit conseil peut-être de mamie, peut-être, je ne sais pas. De toute façon, moi, je réponds pas aux cons, hein. Bon, bah, nous voilà rassurés. Bon, eh ben, on y va, Amandine. Alors, tu lui parles, on lui parle. Comment on fait? Ben, commencez, je finis. J'ai pas compris. Tu m'as dit, Amandine? Commencez, je finis. Non. Comme, bah, si tu veux, ouais, écoute, on va commencer alors et puis on va y aller. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme truc là? On va l'appeler et puis on est au courant. Ouais, voilà, ouais, on va faire ça comme ça. Bon, on y va, on verra bien. On va improviser. Je sais pas où on va, mais on y va. D'accord. Ok, pas de soucis. Allez, Amandine, c'est parti. Elle s'appelle comment ta copine? Manon. D'accord, ok. Allez, c'est parti. Enfin, six ans de connaissance, ouais. Et là. Zachary qui dit vous êtes énorme, j'en peux plus. Caroline qui dit ah, le jargon du Québec, j'avais pas pensé, mort de rire, capoté. Ça... Allô? Allô, Manon? Oui. Salut Manon, ça va? Ça va et vous? Bah ça va, tranquille, et toi? Quand est-ce qu'on se voit, Manon? Bah vous êtes qui? Bah attends, tu me reconnais pas, Manon, t'es sérieuse? Bah non, je reconnais pas. Bon, tu reconnais pas ma voix? Mais non. Bah c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est plus appelé, hein, mais t'as pas une idée, une petite? Ah non, désolé, non, je vois pas. Enfin, mais tiens, tu m'as déçu là, Manon. Mais dites qui vous êtes, je vois pas qui vous êtes, je vais pas deviner. Non. Ah bah tu peux me tutoyer, hein, Manon, hein, on est potes, hein, t'inquiète, enfin, on est potes, c'est vrai qu'on s'est plus vus depuis longtemps, mais on s'était rencontrés dans une soirée là. Ah bon? Bah ah non, oui. Je sais pas. Ah bah désolé de vous décevoir, mais je non, sais mais pas. Non mais dis-moi-tu, attends, c'est bon. Désolé de te décevoir, ah. Mais je vois pas qui tu es. T'as vraiment aucune, même pas une idée de nom peut-être comme ça, non? Ben non. Ça commence par un M. M. M, ouais. Non. Non, tu vois pas? Non, désolé. Ah, mais, je suis goûte. Bon, bah, tant pis, je suis vraiment très déçu, hein, Manon. Hein. Moi, je t'appelais comme ça, je pensais qu'on allait pouvoir se voir ce week-end. Non, mais je sais pas qui tu es, alors. Bah, moi, ouais, c'est Michel. Michel? Ouais. Ça me dit rien, désolé. Ah, bah, ça te dit rien? Ah, non. Ah bon, mais alors. Ah, bah, je comprends pas. C'est bien Manon, là, quand même. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, bah alors c'est bien le bon numéro. Mais bon, bah, c'est pas grave, écoute, bah tu fais quoi ce week-end du coup? On peut refaire connaissance? Ben non, moi je suis pas ce week-end. Ah merde, mais tu reviens quand? Ou demain si tu veux, là, c'est encore les congés, là, on peut y aller, c'est encore vacances. Mais je vois pas qui vous êtes, je vois pas pourquoi. Non, mais tu peux me dire tu peux me dire tu, oui, Manon. Je vois pas qui tu es, donc ah, voilà. Désolé, mais je vais pas venir te voir. Non, non, mais moi je viens, t'inquiète, hein. Ben non, mais. Non, mais on se boit un petit verre, attends, moi je t'invite et tout, hein. Je sais pas. Je suis pas un crevard, hein, moi je t'invite et tout. T'es célibataire ou pas? Non. Bah oui ou non? Non mais c'est... C'est compliqué? Ah t'as mis sur Facebook, c'est compliqué? Non. Bah tu devrais, hein. Pourquoi? Bah si tu dis que c'est compliqué, autant que ce soit compliqué et tu vois, passe à autre chose, t'as qu'à le virer, de toute façon c'est un con, je parie. Et pourquoi tu dis ça? Bah je pense, moi c'est des échos que j'ai eu. Des échos de? Ah des échos, c'est des échos que j'ai eu, apparemment il serait allé voir ailleurs quoi. Pardon? Je dis apparemment il serait allé voir ailleurs. Ailleurs où? Bah chez une autre fille. Non, il ne me ferait jamais ça, Ludo. Non. Ah si. Ah, non, arrête de parce que je le non mais je le connais un petit peu le Ludo là justement là et comment t'expliquer que enfin il est pas clean quoi voilà. Mais n'importe quoi. Mais si je te le dis attends moi je te dis ça je suis honnête hein. C'est parce que ça fait longtemps qu'on s'était plus parlé du coup tu vois je me dis bon bah je vais l'appeler je vais la prévenir comme ça se fait pas. Merci de me prévenir mais je te crois pas. Bah, attends, tu rigoles ou quoi? Attends, justement, hey, Amandine! Hé, hey, viens ici, attends, elle me croit pas! Attends, je te passe Amandine! Ouais. Tiens. Allô? Allô? Oui, Anaïs? Oui, ça va? Oui, ça va et toi? Ah oui, nickel. J'ai un truc important à te dire. C'est marrant parce qu'ils se sont trompés de prénom. Ludo, s'il allait voir ailleurs, c'est avec moi. Allô, Anaïs, alors que c'est Manon. Mais c'est bizarre. Il ne veut pas voir ailleurs, désolé. Il m'aime trop, enfin, je pense qu'il m'aime. Donc, désolé de te décevoir, mais il ira pas voir ailleurs. Hein. Oui, je pense. Ouais, mais non, c'est vraiment sérieux, Manon. Anna Manon. Mais accouche, c'est... Nous hommes fous. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Attends, je pense qu'on va se marrer. J'ai fait juste une soirée sans toi cet été, et puis c'est passé un truc entre moi et lui. Une soirée? Ben oui, je me souviens, oui, qu'il m'a dit qu'il était à une soirée, mais... Bon, non, Ludo, non, il est fidèle, je le connais, ça fait... ça fait un an que je suis avec lui, il est fidèle. Elles vont s'emballer pour rien, parce qu'on sait que c'est pipoté, donc mais on va quand même voir jusqu'où ça va aller, quoi. Et bien, avec qui alors, vu que t'es si persuadé? De quoi? Et bien, qui est allé voir ailleurs? Avec qui? Bah, avec moi. Pardon? Oui, oui. C'est nous deux. Il s'est passé quelque chose entre nous deux et on est attachés et tout. Non, c'est pas possible. Ah si, je t'assure. Non, je te crois pas. Si, si. Mais ça s'est passé comment et où et pourquoi? Eh bien, à la fête, là, on était tous les deux, on se cherchait, il m'a embrassé et puis voilà. Il t'a embrassé, ouais, non, non, non, non, désolé, désolé de... Il revient la réalité en face un petit peu quand même. Mais de quelle réalité tu parles? Mais n'importe quoi, mais il irait jamais voir ailleurs, Ludo, hein. Quel talent, hein. Ah ouais, c'est beau. Écoute, ça fait un an que je suis avec lui, un peu plus d'un an. Et au bout d'un an de relation, je sais pas quand... ça fait plus d'un an que t'avais lui, il est attaché à toi, il t'aime, enfin je sais pas, il irait pas voir ailleurs. Comment? Il faut, il en avait vraiment rien à foutre de moi. Je vais leur mettre la musique de 20th Century Fox. Mais qu'est-ce que tu dis, toi? Non, mais moi, je te crois pas, là. Il était là, du coup, il s'attache à moi, et puis voilà, c'est pour ça qu'il s'est passé ça. Mais à toi, mais vas-y, mais qu'est-ce que t'as? Mais t'es jalouse, mais t'as un problème avec moi ou quoi, toi? Non, je suis pas du tout jalouse, juste pour... Ils ont la musique, mais tout le monde s'en fout, hein. L'autre, elle se demande pas d'où vient la musique. Alors, franchement, si c'est la vérité, Amandine, mais je te jure, ça va vraiment mal se passer pour toi. Ah non, mais c'est vraiment la vérité. Tu sens vraiment la vérité, tu me le jures, en tant que meilleur ami, enfin. Voilà. On sent bien, là. Mets-lui un petit coup de la chinoise, là. Ah, bien sûr. Tu le jurerais sur la tête à Ludo. Oui, ça va te faire enculer, fils de pute. Pardon? Oui, je te jure sur ta tête, oui. Non, mais tu te fous de ma gueule, là. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. De toute façon, moi, je réponds pas aux cons, hein. Ouais. Je réponds pas aux cons, ouais. Tu m'as vu, je pourrais bien niquer ta mère, si tu veux. Essaye. Non, mais Amandine. Oui, ça va te faire enculer, fils de pute. Oui. Par contre, je pourrais bien niquer ta mère, si tu veux. T'es sérieuse, Amandine, là, quand tu parles? Connard, va! Oui, j'avais pas le connard, je suis désolé. C'est qui, là, derrière? J'ai pas que ça qu'à foutre. Non, mais tu me déçois trop, là. T'as vraiment aucune morale, Amandine. C'est vrai que... Oh, Polo, je pense que c'est vraiment d'à propos, là. Comme ça, ouais, toi, t'appelles ça juste comme ça, boudonnant de relation. Tu, là, tu fous tout en l'air. Non, mais... Dis donc, les filles! Allô? Oui. Anaïs? Oui. C'est l'inspecteur Colombo. Parce qu'il me semblait que t'appelais Manon, donc... Il me semblait que tu t'appelais Manon. Ben oui. Ah, d'accord, ok. Ouais. Bon, allez, non, mais vous auriez pu être meilleur en termes de prénom, ouais, quand même, malgré tout. Hein. Mais bon, c'est gentil d'être passé quand même, en tout cas. Je vous fais des bisous, les filles. Bisous. Allez. Mais t'as vu, elles sont pas rancunières. Elles sont pas rancunières. Allez, attends, mais c'est la règle, hein. Elles sont essayées, elles sont fait griller, ça arrive au meilleur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ouais. Allez, au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio, là, on va se faire le son de Jason Derulo maintenant. Jason Derulo avec The Other Side. De toute façon, moi je réponds pas aux cons, hein. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Et on est en direct sur Fun Radio avec tous vos messages. Il est 1h du mat là, on est au cœur d'une heure sans pub. Ça c'est la bonne nouvelle. Avec tout à l'heure le Samsung Galaxy qui est à gagner, hein. Si vous voulez tenter de le choper, Samsung Galaxy, allez-y. Facebook.com/Mickaël officiel. Et puis bah, on fait le tirage au sort. Suffit simplement de faire un petit like sur la photo où il y a le Samsung Galaxy là. Je vais vous le remettre en haut là pour ceux, parce que c'est vrai qu'on a mis beaucoup de posts depuis. Pour ceux qui ont pas trop envie de chercher, je vous la remets en haut là dans 30, même pas. Voilà, vous pouvez donc aller maintenant facebook.com/Mickaël officiel. Et salut également les nouveaux qui viennent de débarquer. Il y a une charmante demoiselle qui s'appelle Okan ou Osan, je sais pas, Dominguez, qui vient de débarquer sur le Twitter. Très mignonne. Voilà, donc je te follow également. Du coup, il y a Polo qui vient de débarquer. Mais tu verras pas être en un petit carré là. Il y a Koana aussi qui est là, qui m'a followé, donc je fais pareil, hein, je la follow pareil. Ferrier également, Florian, il y a Sam fan de Fun Radio, il y a Nora également, il y a Christophe, Nicolas, Johan, Seb, 3 years I'm so proud, Maxime également, Flo, Louis, Thomas, Tio, il y a également Julie, Scream, Jordan, Zach Bell, etc. Bref, tous les nouveaux qui viennent de débarquer sur le Twitter, soyez les bienvenus tout le monde. Et puis surtout, si vous me faites un follow, eh ben, je vous follow également, donc venez nous rejoindre, hein, Twitter, vous tapez Mickaël officiel. Et pareil, hein, si vous voulez nous rejoindre sur l'Instagram, je vous followerai également. Vous tapez aussi évidemment Mickaël officiel. Il y a Gabriel qui dit bordel, je vois pas le temps passer, il est déjà 1h, shit. Bah ouais, mais reste encore avec nous là. Ah, on est bientôt à la fin, ouais. Il reste plus qu'une heure. Élise qui dit je voulais me lever tôt pour aller à la plage demain matin, mais j'arrive pas à vous quitter. Dis donc Élise, t'as pas l'impression de te foutre de notre gueule là? Je vais me lever tôt pour aller à la plage. Ouais. Bah, tu iras l'après-midi, t'es sérieuse ou quoi, là, Élise? Dis donc. Déjà que nous, on peut pas aller à la plage. Enfin, si, pareil, plage, mais bon. C'est fermé, c'est fini. Ah merde, c'est fini en plus, oui, c'est vrai, donc on a même plus de plage. Non, c'est fini. Bah, c'est fini. Bon, il y a Poupoulinette aussi. De sable, quoi, ouais, génial. Poupoulinette qui dit Amandine faisait un peu actrice discount quand même. Je dis ça, je tiens rien. Oh, bah, plus que ça même. Kikeria qui dit heureusement que vous êtes là pour nous faire rire. Et Jordan qui dit merci à Mickaël de me faire passer des soirées de dingue. Avec plaisir. Bon, on passe des soirées de dingue grâce à vous aussi. Hein. Si vous étiez pas là, on serait un peu chier quand même aussi. Hein. Julien qui dit de toute façon, je réponds pas aux cons. Bah, exactement, Julien, t'as bien raison. Et Alan, pareil sur le Twitter qui dit salut, c'est la première fois que je vous écoute et j'ai entendu dire que Toff baisait les pieds des nouveaux auditeurs. Ah, bah, bien sûr. Seulement les auditrices. Arrête un peu ton cinéma là. Et non, seulement les auditrices et les pieds de polo, mais. Oh, quelle horreur. Ouais, Camille avec un cas qui dit allez, je file, bonne émission, tout le monde. Pop. Oh, Camille avec un cas, tu vas pas partir maintenant, viens d'arriver là. Camille Et Vincent aussi qui dit la Vince plutôt, la Vinct, VNCT sur Twitter. Mika, t'es un génie, tu me fais triper, c'est ouf, bah, c'est gentil. Et puis Zikou aussi qui dit Mickaël, attends, c'est quoi, vous êtes trop fort, j'en peux plus, je rigole trop, je vais réveiller tout le monde là par votre faute. Ah oh, non. Je suis désolé, ce n'est pas par notre faute, hein, tu rigoles, c'est comme ça. Il y a Roland aussi qui dit merde, Mickaël m'a dédié. Eh ben voilà, Roland, je sais pas de quoi tu me parles, j'ai oublié. Et qu'est-ce que je te dis, j'ai oublié. Non mais oui, j'ai oublié. Bon, retour avec ben on a perdu Greg là qui se masturbe 10 fois par jour. On a Antoine également qui voulait réagir, on l'a eu au début de l'émission. Salut Antoine. Antoine. Allô. Oh, Antoine. Qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Antoine. C'est Antoine, il veut essayer de faire du pipeau, mais ça marche pas très ouais, bien. Ouais, ça marche moins bien. Allô là. Antoine, t'es là? Ouais, je suis là. Ouais. Ah, très bien. Antoine, 19 ans, du Nord-Pas-de-Calais, c'est ça, du Touquet? Ouais, c'est ça. Ça se passe au Touquet? Ouais, bien. Bon, tant mieux. Alors, on appellera encore des personnes tout à l'heure aussi, hein, pour les 100 000 mecs, là, avec la polonaise, là. On en parlera tout à l'heure. Bon, Antoine, alors toi, tu voulais réagir à la masturbation, là, Grégory, là, qu'on a eu tout à l'heure en début d'émission, qui se masturbait 10 fois par jour. Et chez toi, Antoine, comment ça se passe? Non, moi je suis casé, donc la masturbation c'est fini quoi. Ah bah justement, je voulais poser la question à Grégory, mais on l'a plus malheureusement. C'était effectivement, est-ce qu'il fait ça parce qu'il est pas maqué, ou est-ce qu'il est maqué et en plus de ça il se fait, il se branle. C'est ça la question que je voulais lui poser, mais bon, on l'a plus. Mais donc si tu nous appelles, c'est qu'à l'époque, fut un temps, tu faisais ça. Non, moi on me le fait, mais je le fais pas. On te le fait, c'est-à-dire tu as un branleur à la maison? Ouais, j'ai les copains avec moi. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah ouais, c'est original, ouais. Quelle horreur. Ouais, sympa, ah, ouais. Non mais c'est bien Antoine, t'as les gens que tu veux, hein, c'est pas un problème. Hein. Ouais, mais ça fait un beau métier. Hein. Ah exact. Ah, je voulais te dire encore un truc Antoine. Et donc du coup, t'as un conseil éventuel à donner ou pas? Non mais je me demandais pourquoi il faisait ça en fait. Bah justement, on l'a récupéré, tiens, Greg. Oui. Tiens, et ben y a Antoine qui voulait savoir pourquoi est-ce que tu fais ça en fait. Ben, parce que, je sais pas, c'est limite devenu une obligation, enfin j'en ai envie, je ressens le manque, c'est un peu comme la clope, comme tout ça quoi. C'est une drogue quoi. Ouais, voilà, on peut dire c'est une drogue quoi. Ah ouais, non mais c'est vrai, en plus il a raison, hein, c'est vrai, ça peut être considéré comme une drogue, hein, c'est toute cette endorphine que tu ne reçois pas si tu ne le fais pas. Mais grave, hein, moi ça m'arrive quand je le fais genre 4-5 fois dans la même journée, c'est parce que j'en ai besoin quoi. Oh là là, mais tu fais ça où Greg? Parce que 10 fois, putain, c'est quand même beaucoup. Après ça m'arrive de le faire chez moi, ça m'arrive de le faire au boulot, n'importe où, je veux dire, bon après je suis pas non plus, je pense pas non plus qu'à ça, mais je le fais vraiment assez souvent quoi, une fois que j'ai fini de le faire. Eh, 10 fois par jour sur une journée qui fait grosso modo 16 heures, ça fait quand même beaucoup hein. Ouais mais c'est genre... Ah mais je avant de manger je le fais, après manger je le fais, avant d'aller me coucher, je veux dire vraiment tout évidemment, le temps. Évidemment, sans te laver les mains. Et je suis cuisinier, non c'est pas vrai. Oh quelle horreur. Eh oui, mais d'ailleurs justement tiens, j'utilise ma bite comme cuillère. Comme ça je peux mélanger grâce à ça, ça me fait de l'effet en même temps, c'est cool. Ouais. Allez, à 5h du matin je suis boulanger, je vais aller faire le pain. Oh, une bonne baguette, dis donc. Vous voulez une ficelle, hein? Est-ce que vous en voulez une petite baguette ce matin là? Eh Greg, et du coup je t'avais pas posé la question tout à l'heure, mais t'es maqué ou t'es pas maqué? Ouais, j'ai une copine. En plus? Ouais, mais bon... Mais vous faites jamais l'amour. Elle est assez loin de moi, quoi. On se voit rarement, mais c'est vrai que même quand je le fais avec elle, juste après, des fois, ça m'arrive de le faire... Des fois, elle est vexée, quoi. Ah bah, sans blague, comment t'expliquer que c'est normal? C'est-à-dire que la meuf, elle se dit, bah attends, le mec, il se fout de ma gueule ou quoi? Mais c'est pas c'est clair. C'est pas du tout le même plaisir, quoi. C'est comme fumer une cigarette et un cigare, ça n'a rien à voir. Ouais, bah, voilà, y a les deux puent, hein, ça c'est... Mais on dit que souvent c'est mieux de se masturber que de faire l'amour parce qu'on gère notre taux d'excitation. Mais c'est vrai, parce que tu peux, si t'as envie d'aller vite, tu vas vite, si t'as envie que ça traîne, tu traînes, alors que bon, quand t'es avec quelqu'un, t'es obligé de t'adapter à lui quoi. Oh putain, le spécialiste. Voilà. De toute façon, moi je réponds pas aux cons, hein. Non, mais, ouais. Mais comme on dit, y a pas que le soleil qui se lève le matin, hein. Tout à fait. Moi, j'ai mangé une pomme à midi. Ouais, et t'en vas la cruche à l'eau. Okay. Exactement, ouais. C'était quoi cette expression, la graille? Ouais, je sais pas, c'est un truc bidon. C'est pas le soleil qui se lève le matin. Ouais. Parce d'accord. Que moi aussi, des fois, elle se lève. Tous les matins, elle est levée aussi, la mienne. Donc ouais, non, mais t'as raison. Attends, on a Dylan aussi, la saison de Bruxelles. Salut Dylan. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Bah ouais, tranquille, hein, Dylan, sois le bienvenu. Alors, Dylan, tu voulais aussi réagir à Greg, toi, par rapport à la masturbation? Ouais. Alors, on t'écoute. Bah voilà, en fait, j'ai eu un copain qui avait à peu près la même chose que lui. Ouais. Et alors, y a de sa famille qui lui a dit, ouais, va chez un médecin, va voir un urologue. Mmh. Et d'après l'urologue, c'est parce qu'il a un manque d'excitation en lui-même, donc il doit essayer de se contenter tout seul, quoi. Mais d'après l'urologue, à force de faire ça, il peut réduire la taille de son pénis et il peut attraper plus vite des inflammations. Oula, oula, oula, donc oula, ça veut oula, dire qu'au plus tu te branles, au plus tu habites elle rapetissie. D'après un urologue, après un certain temps, si tu fais... T'es allez, sûr qu'il n'était pas vétérinaire plutôt? Non, c'est un urologue. Mais il s'est pas un peu foutu de ta gueule, parce que enfin, vu le nombre de fois où je me branle, je devrais plus avoir de bite. Hein. Bah écoute, la dernière fois qu'on a fait un moule avec, on s'est effectivement posé la question. Hein. Non mais t'inquiète. Non mais c'est vrai. Attends, stop. Parce qu'on avait fait un moule. Explique parce que on avait fait un moule de la bite de Toff sur un pari à la con. Et effectivement, Polo qui s'est occupé de ça nous avait montré le moule et Filmais parce qu'il s'en est occupé tout seul du moule. Non mais c'est vrai Toff. Mais oui, mais j'étais très mal occupé par Polo. Mais s'il m'avait aidé à faire monter mieux, j'aurais été con. Non, c'est pas vrai. C'était ridiculement petit. Ouais, c'est parce qu'il avait pas travaillé. Et non, Sandro, t'étais témoin toi du moule. Oui, bien sûr. Il était petit, ouais. Enfin, c'est il petit. Était pas. C'était une taille. C'était rikiki. Pas de quoi se la ramener, quoi. Non. Hein? Oui. J'étais pas à mon avantage. Je vous dis, Polo, il m'avait pas chauffé assez. Ouais, c'est ça. De merde comme ça. Attends, et mamie là. De toute façon, moi, je réponds pas aux cons. Hein. Voilà, bah écoute, elle a bien raison. En même temps, elle a bien raison. Si Polo, il m'avait mis en condition, elle était deux fois plus grande. Allez, arrête ton cinéma. Ouais. Bon, donc tout ça pour dire, Dylan, que j'y crois pas des masses quand même à cette histoire. Hein. Ben moi, moi c'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, on n'a pas confirmation, mais il y a peut-être t'as mal compris aussi. Hein. Mais non, il m'a parlé de ça il y a quelques mois. Ouais. Et alors il m'a expliqué. Je demanderai au doc. Pardon ? Non, je disais, je demanderai au doc pour voir si effectivement c'est vrai ça, mais ouais, ça me paraît. Ouais, j'ai jamais consulté un urologue, quoi, en tout cas pour l'instant. Mais il m'a dit, ouais, à ce qui paraît, quand tu te masturbes. On m'entend beaucoup, là ben... Ouais, on t'entend, Antoine, ouais. Ouais. Okay. Hey, on monte là. T'inquiète. Vas-y Dylan, continue. Il m'a dit, ouais, l'urologue a dit que ça pouvait réduire plus vite la taille de son pénis et en plus avoir des infections plus facilement. Ah ouais, bah écoute, pourquoi pas, on va quand même se renseigner Dylan, hein. Ça me paraît bizarre, mais bon, why not. Hein. Bah merci Dylan, merci Antoine de passer tous les deux. Hein. Allez, c'est une délicate. Ah bah vas-y Dylan, à une seule personne, là. Vas-y. Okay. Je voudrais juste faire une bonne dédicace à ma petite chérie en se réunissant ensemble aujourd'hui. C'est juste pour lui dire que je l'aime. Eh ben voilà, le message est passé, Dylan. Salut à toi, on embrasse tout le monde à Bruxelles. À bientôt, bonjour. Dylan. Ouais. Ciao, bye bye. Et Antoine, tu voulais dire encore un truc? Ouais, une petite dédie. Hein. Eh ben vas-y, alors une seule, hein, vas-y Antoine. Ouais, une petite dédie à Maquet, à Maxence, à Axel. Attends, une seule, j'ai dit. Très bien. Bon, bah les messages sont passés du coup, Antoine. Bon, bah salut à toi, à bientôt. Allez, ciao Antoine. Bah bon, et Grégory, bah écoute, merci en tout cas d'être passé. Et puis, c'est vrai que 10 fois par jour, essaye quand même de diminuer petit à petit. À la limite, c'est comme la clope et l'alcool, tu vois. 10 fois par jour, tu passes à 9, puis tu passes à 8, ouais. Et puis tu restes un peu sur 8, puis tu descends en 7, et ainsi de suite, quoi. Ou alors, essaye la branlette électronique. Oh, super. Bah oui, il y a la cigarette électronique. Ouais. Bah, il faut voir si ça peut exister, peut-être, oui. Il faut voir. Bah, on va dans un sex shop. T'appelles. Je vais me renseigner, oui. Ah ouais, le truc info tabac, là. Tu les appelles, tu leur dis, voilà, j'ai une addiction. Ah ouais, l'addiction, ça peut être pas mal. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Greg? Je voulais savoir aussi qu'est-ce qu'avait fumé Dylan ce soir avant de passer à l'antenne. Bah écoute, je sais pas, on l'a plus dans le standard, elle est déjà partie, mais à mon avis, elle a dû être bonne. Bon, merci en tout cas Greg d'être passé, tu reviens quand tu veux, à bientôt. Hein. Ça marche, merci beaucoup l'équipe. Salut, ciao à toi, et puis on aura Guillaume dans un instant là. Salut Guillaume. Salut. Comment ça va, t'appelles pourquoi? Parce que j'ai le même problème qu'Amandine. Ah, le faux problème d'Amandine, mais je crois qu'il est vrai, c'est ça? Amandine nous a appelé pour dire qu'en fait elle était en kiff sur le mec de sa meilleure amie. On s'est rendu compte qu'en fait c'était du pipeau, mais bon, toi c'est d'une vraie histoire a priori. Bah toute l'histoire en fait là est... Enfin, c'est encore en cours. Bon, ah bah parfait, bah bouge pas Guillaume, on va en parler dans quelques instants. On aura Valentin aussi comme promis. Et puis je vais vous mettre le son d'Avicii aussi dans un instant, tiens. Vous l'aviez demandé avec le hashtag Mickaël. Vous pouvez continuer hein, si vous voulez choisir vos titres. On est là jusqu'à 2h du mat. Hashtag Mickaël tout simplement sur Twitter. Si vous me faites un follow, eh ben, je vous follow back derrière. Vous faites tout simplement Mickaël officiel. Venez nous rejoindre sur Twitter, je compte sur vous. Bonne soirée, bonne nuit tout le monde. Venez prendre le contrôle de Fun maintenant. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000. Sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël, nos limites, C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Ouais, en direct sur Fun Radio, prenez le contrôle, 01 42 48 5000, c'est le numéro du standard, allez-y, on est là jusqu'à 2h du mat, avec tout à l'heure le Facebook a gagné, pas du tout, le Samsung Galaxy qui était gagné sur le Facebook. Je vous offre Facebook. Putain, ça c'est du cadeau, ça. Cadeau. Facebook. C'est clair. Bon voilà, Samsung Galaxy a gagné, donc ça sera dans moins de 3 quarts d'heure. Si vous voulez tenter votre chance, allez-y, maintenant, maniez-vous là, parce qu'on va pas en offrir 17. Hein. Il y en a un seul à gagner tout à l'heure avant 2h du mat. Vous allez vous inscrire maintenant, vous faites un like sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Vous faites un like sur le Facebook hein, tout simplement de l'émission sur sur la photo du. Je vais y arriver, hein, du Samsung Galaxy. Et si vous êtes tiré au sort, il sera à vous. C'est aussi simple que ça. Bonne chance tout le monde. Et puis on va récupérer aussi dans un instant Guillaume. On va lire tous les messages qui viennent d'arriver également sur Twitter, Facebook également. Et puis on écoute le son comme promis de Avicii sur Fun Radio avec Wake Me Up. Et puis la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on redémarre plus d'une heure sans pub sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Mickaël No Limit, c'est jusqu'à 2h. Bienvenue tout le monde. Feeling my way through the darkness. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. De toute façon, moi je réponds pas aux cons. Hein. Bah exactement, elle a bien raison. Il y a Vanessa qui dit coucou tout le monde, super émission, continuez comme ça. Merci Vanessa sur Facebook. Selma aussi qui dit j'ai adoré tout à l'heure quand tu as chuchoté, continuez comme ça, je vous écoute tous les soirs. Merci à toi Selma. Audrey aussi qui dit à Guillaume que s'il kiffe une fille, il faut qu'il s'en donne les moyens. Courage. Bon, on va le prendre dans un instant justement le Guillaume. Et Banana qui dit le jour où je rigole pas grâce à votre émission, je mange du shampoing ou je fais un défi à la con. Ça peut arriver Banana, hein, nous fais pas des défis comme ça, fais attention. Yaya qui dit envie de dormir, réveillez-moi. Ça peut se faire. Ça peut se faire le réveil. Ah, attends une seconde, là je vais te réveiller. Non, peut-être pas, mais si, ça peut faire mal, effectivement. Ouais. Bon, attention, je vais te réveiller là. Voilà. Normalement, ça devrait aller. Voilà, moi je fais ce que je peux. L'Afghan aussi qui dit fait un big up à ma soeur Fazila, bah c'est fait l'Afghan sur le Twitter. Il y a Super Puceau sur le Twitter qui dit ce soir je me suis enfin dépucelé, mais seulement de Twitter. Ah, c'est déjà ça de prix, hein, Super Puceau. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message? Banana qui dit je suis un de vos plus gros tweetos et j'en suis fier. Ouais, et on est fier de toi aussi, Banana, merci à toi. Et Marseille aussi qui dit bon bah je vais me coucher les fanfans. Salut, bah salut à toi, bonne nuit, et puis rencard demain dès 23h. Et Pierre qui dit je suis devenu accro à vous, dommage que ça dure pas jusqu'à 3h. Ah ben jusqu'à 2h c'est déjà pas mal quand même. Hein. Bon allez, retour de Guillaume qui est avec nous là. Guillaume. Ouais. Voilà, Guillaume, c'est quoi ton histoire? Alors, en gros, la meuf avec qui je suis actuellement était avec son copain depuis 6 mois. Ouais. On s'est rencontrés, on a un peu flirté ensemble. Mm-hmm. Au final, on s'est mis ensemble. Ouais. Ça n'a pas duré très longtemps. Ils se sont remis ensemble. D'accord. Après, ils ont cassé et là, je suis avec la meuf en question dans ma voiture. Attends, donc là, la meuf, elle est quand même avec l'autre mec, encore? Non, ils sont plus ensemble, là. Ils ont cassé il y a... D'accord. Donc en fait, elle a fait le ping-pong, quoi. Elle hésitait, voilà, tu vois. Elle a été voir un coup, ah, c'est pas mal, mais bon, je vais quand même aller voir l'autre. Ah, ouais, mais ça, c'est bien aussi. Elle est avec moi, là. Elle t'entend. Ah, ben non, mais pas de problème. Comment elle s'appelle? Aurore, très bien Aurore. Eh, passe-la moi deux secondes Aurore. Non, je te la passe. Voilà, nickel. Salut, ça va Aurore? Ça va et vous? Bah alors, c'est quoi ce bordel là? T'avais pas décidé? C'est compliqué, t'as vu? Ah oui, j'ai bien vu, ouais. Ah oui, j'ai bien vu. Mais attends, il y a un moment, comment ça se fait que t'as été un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite? Sexuellement, il y en avait un qui était meilleur que l'autre ou des conneries comme ça, non? Ouais, c'est ça. Ah, et lequel était meilleur? À l'autre. Ouais, puis finalement, je sais pas. Ah, elle sait pas non plus. Il m'a déçu. Lequel? Ah. Lequel est l'autre? L'autre. Ouais, bon, enfin, il peut dire pareil de toi quand même, hein. Parce que tu t'es quand même tapé ça, un... C'est pas cool, ça. Ah bah attends, tu t'es quand même tapé le pote, là, et tout ça. Donc forcément, le mec, je me mets à sa place, il doit quand même pas être super content non plus. Hein. Tiens, et en parlant de tromperie, là, vous allez me dire si vous faites pareil. Surtout toi, Aurore, là. Puisqu'on est, on est dans la tromperie, je voulais savoir, est-ce que t'as déjà espionné ton copain ou ta copine? Enfin, en l'occurrence, c'est ton copain. Bah oui, comme tout le monde. Bah non, pas comme tout le monde. Non, mais je vous demande ça parce qu'au Brésil, il y a une application en fait qui cartonne et elle permet de savoir où est votre copain. Alors évidemment, c'est pas tout. Vous recevez aussi des copies des messages. Vous pouvez même écouter les conversations. Et donc, est-ce que vous le feriez si l'application était disponible ici? Tu le ferais, toi, Aurore, ou pas? Ouais, je sais pas quand même, c'est un peu vicieux. Ouais, mais attends, parce que c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, tu peux te connecter sur le téléphone de ton copain, tu peux brancher, donc tu peux lui faire une conversation, un coup de téléphone à son insu, c'est-à-dire que tu peux écouter ce qui se passe dans là où il est, en fait, tout simplement. C'est tu peux faire activer l'appareil photo, enfin la caméra pour voir où il est, tu peux le géolocaliser pour voir où il est exactement précisément. C'est la folie, cette application. Hein. Ah, mais c'est énorme! Ah, t'as vu, elle est intéressée. Ah ouais. Mais je te rappelle que c'est toi qui trompais, hein. Moi je dis ça. Ouais, c'est pas faux, ouais. Et donc dites-nous, tiens, si vous, les filles ou les mecs, est-ce que vous avez déjà espionné votre copain ou votre copine? Est-ce que vous le feriez? Si vous l'avez déjà fait, qu'est-ce que vous avez fait? 01 42 48 5000, vous appelez le standard, il y a Sandro qui décroche, ou alors pour les Belgiques, 02 851 4x0. Bon, et t'as fait quoi, toi, Aurore, là, comme espionnage, puisque t'as dit que tu l'avais déjà fait? Bah, j'ai pris le téléphone et j'ai fouillé, j'ai pris Facebook et j'ai fouillé. Ah ouais, à l'ancienne. Ouais, ça c'est le grand classique, ça. Ouais, c'est à l'ancienne. Mais pas souvent, c'est quand j'avais des doutes. Ouais, non mais en même temps, mais parce que t'as fouillé le Facebook, donc ça veut dire que t'avais le code. Ouais, bah oui. Mais pourquoi vous donnez votre code? Mais ça, oui, c'est un truc que je comprends pas, quoi. Allez, moi je donne pas le mien, par contre. Non mais t'as raison. Non mais t'as jamais. Non mais t'as raison. C'est le mec par preuve d'amour. Eh ben par preuve d'amour, je te donne mon code Facebook. Je te donne mon code téléphone, je te donne tout. Ouais, mais je m'en branle en fait. Hein, voilà. Je te donne tout parce que j'ai un deuxième portable. Ouais, voilà, c'est ça, le portable planqué en effet. Ouais. Non mais c'est un truc de ouf. Trop opérationnel. Mais grave. Pour les pister, c'est chaud. Grave. Et du coup, attends, repasse nous Guillaume 2 secondes, s'il te plaît. Ça marche. Merci Aurore. Ciao. Ouais. Ouais, Guillaume. Dis donc, ouais. T'as déjà espionné ta copine, toi? Pas forcément Aurore, hein, mais en gros. Ouais, vite fait. Genre, t'as fait quoi? Facebook, hein, comme tout le monde. Ah, t'as vérifié Facebook? Normal. Bah ouais, mais en même temps, ouais, c'est nul, parce que Facebook, vous, il suffit... Un petit tour pour checker, quand même, on sait jamais. Ouais, mais après, il suffit de supprimer le message, et puis voilà, t'es tranquille. Je fais un petit tour, je trouve des trucs. D'accord. Voilà. Ouais, surtout si les gens sont pas très futés, parce qu'en fait, au lieu de supprimer, ils font archiver. Ils sont persuadés qu'ils ont effacé le message, alors qu'en fait pas du tout, tout est encore dans la boîte d'archives. Ouais. Et là tu te fais baiser. Ouais. Et il y a les Biflux qui dit putain c'est quoi cette appli, c'est de la folie furieuse. Bah elle est pas encore dispo en Europe donc on peut pas. Je connais même pas le nom pour être précis, tu sais ça marche au Brésil. De quoi? Tu sais quand est-ce qu'elle arrive? Bah je sais pas du tout, mais vous inquiétez pas, on va vous tenir au courant. Il y a Super Puceau qui dit j'ai pas de copine, mais j'espionne ma voisine, ça compte. Oui tu peux, ouais. Ça dépend ce qu'elle fait, hein. Ça dépend ce qu'elle fait. Il y a Dominguez aussi, c'est la petite nouvelle qui vient d'arriver. Salut Dominguez, continuez comme ça, on se tape trop des bons délires avec mes potes quand on vous écoute. Bah salut tes potes également. Et Yaya qui dit c'est bon, je suis réveillé là, je risque pas de m'endormir avec le bruit que t'as fait. Bah oui, j'imagine. Véro qui dit Michael, sachant que Sucé n'est pas trompé. 3 petits points, lol. Je vois pas le rapport. Véro. Mais je ne vois pas le rapport. Et petit panda qui dit ma drogue. Bah oui, ma drogue, c'est vous. C'est une drogue dont je ne peux plus me passer, mes chouchous. Merci, petit panda, en tout cas. Et nous, on ne pourra plus passer tes petits gâteaux que tu vas nous amener dimanche, apparemment. Hein. Bah, apparemment, en tout cas, c'est des petits beurres dégueulasses qu'elle va nous ramener un peu sec, là. Ah oui, pour nous, ouais, mais pour toi, il aura un gâteau fraise. Mais voilà. C'est bien comme ça, on va lui mettre dans la gueule. Exactement, et comme le lance-flamme. Encore, mais j'avais pas mérité. Ah si, t'avais mérité. Si, t'avais mérité. T'avais mérité, voilà. Bon, Guillaume, ouais, merci de passer. En tout cas, tu reviens quand tu veux. Hein. Pas de soucis. Salut merci. À toi. Et ben, je t'en prie, à bientôt. Salut. Ciao. Bon, et ben, nous, dans un instant, on va. On va appeler maintenant encore. Tiens, des numéros là. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. On était resté sur la grand-mère avec un. Hein, c'est ça. Ouais. Je réponds pas au con là. Attends une seconde. On va retrouver l'extrait. Attends. De toute façon, moi, je réponds pas au con. Hein. Et elle a bien raison d'ailleurs. Hein. Bon, allez, on va appeler un autre maintenant là, puisque je rappelle toujours le principe. On est tombé sur une info qui dit que une meuf qui veut c'est la polonaise qui veut se taper, qui veut faire un nouveau record du monde, rentrer dans le Guinness Book. Donc, c'est de taper 100 000 mecs. Voilà, 100 000 mecs. Ça fait 14 mecs par jour pendant 20 ans. Voilà. Et elle mais s'en tous fout, les jours. Et elle s'en fout de la provenance, polonais, chinois, Afrique, Amérique, elle s'en fout. Bah, chinois, ça va, parce que normalement, elle sentira pas grand-chose. Hein. C'est vrai. Ah, c'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Non, mais on dit que les blacks en ont une grosse, on dit que les chinois ont une toute petite. Et puis il faut qu'elle aille. Paraît-il. Et puis avec les Chinois, il y en a tellement qu'il va pouvoir battre son record. C'est l'avantage. Ouais. C'est l'avantage. Bon, allez, on appelle pour vérifier si on peut trouver quelqu'un pour participer à ce concours, justement, à ce nouveau concours Guinness Book. Allez, c'est parti. Espérons que ça marche. Puis je vous calerai aussi DJ Antoine avec Bella Vita qui va arriver dans un instant sur Fun. Allez. En même temps, ce temps-ci, il est un peu tard. Bon, enfin, c'est pas grave. Allô? Oui, bonsoir madame. Ouais, elle a l'air fraîche. Bonsoir. Oui, est-ce que je pourrais parler à votre mari? Non. Bah pourquoi? Bah parce qu'il est pas là. Ah bah oui, forcément. Bon bah tant pis alors. Oui. Non bah parce qu'en fait je cherchais un mâle assez bien membré pour participer à un record du monde. Con. Bah non, pas du tout, c'est tout à fait sérieux. C'est à propos de la polonaise, Ania, est-ce que vous en avez entendu parler? C'est quoi cette connerie? Bah c'est pas une connerie, en fait il y a Ania, c'est une polonaise qui a décidé qu'elle voulait faire l'amour avec 100 000 hommes. D'accord. Voilà. Et donc du coup, bah moi je cherche des hommes forcément pour organiser la tournée française quoi. D'accord. Voilà. Et donc je me disais que peut-être votre mari, il aurait pu lui mettre un petit coup. Mais non, il est pas là. Oui, non, d'accord. C'est couillon. Mais il va rentrer. Ben je sais pas. Ah, parce que bon, peut-être que lui ça lui changerait les idées une petite fois de faire autre chose. Oui. Oui, sûrement. Ah bah vous voyez. Mais encore. Bah c'est tout. Moi j'ai juste besoin que voilà votre mari soit disponible. D'accord. Voilà, hein, pour la fourrer une ou deux fois et puis après. Bien sûr, ouais. Classe. Voilà. Puis après moi je vous le rends. Hein, il aura juste participé à un record du monde. Ça sera un peu la fierté d'accord. de la maison, quoi. Ouais. Hein, ce sera pas mal. Vous pourrez dire ah mon mari il a participé à un record du monde. D'accord. Non, ça vous intéresse pas? Ben non. Bah tant pis. Alors bonne soirée. Ouais. Au revoir. Bah, elle était sympa, hein. Ouais. Non, elle était cool. Ouais, t'es gentil, bon esprit, tranquille, quoi, tranquille. Bon, ben, on appellera encore un petit coup tout à l'heure, là. Allez, si tu veux. Allez, un petit dernier avant 2h du mat, là, ça me paraît un bon plan, ça. On aura aussi Coralie dans un instant et Adrien pour l'espionnage. Vous êtes là tous les deux? Ouais. Ouais, soyez les bienvenus. Bon, Coralie, DJ Antoine, ça te chauffe ou tu t'en fous? Tu feras faire autre chose, dis-moi. Coralie? Allô? Oui, ah, je croyais que tu parlais d'Antoine. Non, non, j'ai dit Coralie, hein. Pourtant ça se ressemble pas des masses. J'ai entendu. Non, non, Coralie. DJ Antoine, ça va ou tu préfères autre chose ou non? N'importe. Bon, je sais pas, DJ Antoine, c'est ça. Voilà, si tu veux autre chose, tu me dis, hein. Et autre chose, c'est quoi? Ah bah, je sais pas, comme tu veux. Vas-y, mets Antoine. Ah bah, je vais mettre Antoine. On va mettre Antoine. Allez, Twetwen, vas-y, fais péter la musique, Twetwen. Allez, on revient dans un instant avec l'espionnage. J'ai plein de messages qui sont arrivés sur le Facebook et le Twitter. La bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée sur Fun Radio. Bonne nuit, même. 1h30, on est en direct avec vous jusqu'à 2h. Là, prenez le contrôle si vous voulez l'ouvrir. On est là jusqu'à 2h. Un truc à dire. Mickaël. Appelez Mickaël. No limites. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Ouais, on est là donc venez prendre le contrôle de Fun. N'hésitez pas. Il y a Mickaël qui a envoyé un message sur le Twitter qui dit à mon pote Hugo que je vous écoute en ce moment qu'il ne doit rien lâcher avec la fille qu'il a en vue. Bah, il lâche rien même si tu te prends un mur, c'est pas grave. Baba aussi qui dit il n'y a pas tromperie tant qu'il n'y a pas de pénétration. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, mais bon, moi, je suis d'accord. Ça m'étonne pas. Dominguez qui dit envoyer du lourd, ben on va essayer, hein. Écoute, Carole aussi sur le Twitter qui dit, y a pas qu'au Brésil, Mickaël. Non, je sais qu'il existe des applications d'espionnage, mais on parlait vraiment de celle-là qui en fait a été lancée au Brésil par des Brésiliens et qui marche plutôt pas mal, parce que je connais pas d'autres applications qui fonctionnent aussi bien, genre géolocalisation, allumer l'appareil photo à distance sans que personne voit rien, juste pour voir ce qui se passe, pouvoir faire un appel téléphonique sans que la personne s'en rende compte, juste pour entendre le son. Bref, j'en connais pas d'autres des applications comme ça. Kevin aussi qui dit merci Mickaël, je me tape des barres tout seul, vous êtes énorme, continuez comme ça, merci Kevin. Francis aussi qui a envoyé son message sur le Facebook, salut à vous les fous de la radio, ici un pâtissier boulanger de la Réunion. Oh l'enfoiré de la Réunion. Oh le bâtard. Un gros bisou à toute la Réunion. Oui, ben quand vous voulez, hein, on vient faire une mission, pas de problème. Ça existe déjà sur iPhone jailbreaké, cette application, elle s'appelle Stoyan. Ah ouais, elle fait toutes ces fonctions-là, je sais pas, écoute, j'essaierai. Je le ferai à 200%, c'est Anne-Claire. Ah bah, ça a toutes les meufs, évidemment. Victoria qui dit, vous tuez grave, continuez comme ça, comme des oufs, je vous kiffe. Et puis Little Princess qui dit, dilemme, j'écoute Mickaël ou je vais dormir, le choix est vite fait. Bah tu nous écoutes, bah, Little Princess. Ça m'ennuierait de te mettre un coup de lance-flamme dans la tronche, hein? Ce serait pas mal. Voilà. Bon, il y a Clem aussi qui dit Mickaël, encore une bonne soirée avec vous. Sans les deux comédiennes, c'est mieux. Au top jusqu'à 2h, vous êtes géniaux. Merci à toi, Clem. Et puis Lulu qui dit les gars, vous gérez trop. Bah c'est gentil que de bons et gentils messages, ça fait plaisir. Bon, avant de prendre Coralie et Adrien, vous permettez qu'on appelle encore une personne parce qu'après il va faire tard là pour elle. Ouais. Parfait. Ouais. Juste pour vérifier si, bah, à moins que tu veuilles participer, Adrien, la meuf qui veut se faire 100 000 mecs là pour être dans le Guinness Book. Non. Non, bah, bah c'est tout à ton honneur. C'est dommage. C'est tout à ton honneur. Coralie, je te propose pas, t'es pas un mec. Hein. Bah non. Bah désolé. Bon, allez, on appelle vite fait pour leur proposer, voir si ça les intéresse, les gars, là, de éventuellement participer à ce Guinness Book. C'est la Polonaise qui veut se faire 100 000 mecs. Ça fait quand même 14 mecs par jour pendant 20 ans, tous les jours. Voilà. Ce qui est quand même énorme. Noël, dimanche, tout compris. Voilà, c'est ça. Si elle est malade, évidemment, il faudrait qu'elle rattrape le truc. Donc, bon, c'est un peu tendu. Bah, c'est ça, c'est ça. Bon, allez, on y va, c'est parti. On appelle encore quelqu'un là pour vérifier. Parfait, ça sonne. Bon, est-ce que ça va décrocher à cette heure-ci ? C'est moins sûr, mais on verra. Allô ? Oui, bonsoir, madame. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que je pourrais parler à votre mari ? Oui, c'est de la part de qui ? Oui, c'est de la part de Toff. Qu'est-ce que c'est que cette musique ? Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je m'occupe de la tournée de Anya Livskaya. Oui. Et en fait, donc, je sais pas si vous avez entendu, elle veut en fait se faire troncher par 100 000 hommes. Oui. Et donc, je voulais savoir si vous aviez le temps de venir lui mettre un petit coup de bite. Connard. Oui. Non, mais vous foutez de ma gueule ou quoi ? Ah non, pas du tout, monsieur, c'est très sérieux, c'est pour être dans le Guinness Book. Oui, oui, non, pour mais ça corps. M'intéresse pas. Allez, ah, attendez, monsieur, vous allez battre un record du monde. Oui, oui, non, mais ça m'intéresse pas. Bah, qu'est-ce qui vous intéresse pas, monsieur ? Ah, ben ça, visiblement. Ouais. Oui, ça l'intéresse pas. On le rappelle encore un coup. Il a pas bien compris, il faut que je lui réexplique. Ouais, mais surtout la musique derrière, je pense qu'il regarde à la télé ou ce qu'il vous écoutez comme radio, mais je pense qu'on est pas mal là quand même. Hein. Alors, musique classique à 1h30 du mat, on est pas mal. Ils sont devant Arte. Ah, peut-être, ouais. Ou la radio classique là, il y a que de la musique, il y a que du blanc. Allô ? Oui, excusez-moi, j'étais avec votre mari, on a été coupé. Allô ? Oui, allô ? Ben, vous allez nous embêter longtemps avec ça ? Ben, pas du tout, mais enfin, moi, je voulais voir si votre mari était d'accord. Oui, mais écoutez, hein, si vous, allez voir ailleurs, s'il vous plaît. Hein. Ben, ça nous intéresse pas, on vous l'a dit, alors. Ben, attendez, si madame. Vous avez du temps à perdre, nous pas. Allez. C'est pour battre un record du monde, madame, quand même. Ah non mais ils s'en foutent, hein. Bon bah ouais. Tant pis, le record du monde sera pas battu, en tout cas on aura trouvé personne hein, pour ce record du monde. Je suis déçu là. Oui, on a été très mauvais ce soir. Ah ouais là, ce soir déception totale. Bon bah tant pis, hein, c'est pas grave. Bon bah du coup Coralie. Oui. Bon, tu veux toujours pas participer ou tu connais personne qui veut participer hein? Bah écoute, si tu veux je te file un numéro. Ah écoute, ah. ça peut nous intéresser, effectivement. C'est le numéro de mon ex. Ah, ah. Mais il est encore debout à cette heure-ci, tu crois? Non mais c'est une femme hein. Oh. Ah, c'est une femme. Ah ouais, mais alors, mais la Polonaise, elle veut des mecs, là. Bah ouais, mais elle est avec ton mec. Je comprends rien. Attends, je comprends rien. En fait, moi, j'étais avec une meuf. D'accord. Et donc, ma meuf, elle est partie avec un mec, là. Ah, ok. C'est parce que je comprenais plus, au moment. J'avais bien compris que t'aimais bien les femmes qui aimaient les femmes. Ça me posait voilà, pas de soucis. Tout à fait. Mais en du fait, coup. Elle est hétéro, à la base. D'accord, ok. Bah écoute, pourquoi pas hein. Tu vas donner le numéro après à Sandro là et puis on va voir ce qu'on va en faire. Bah ouais, il y a Antoine sur le Facebook qui dit vous gérez trop, vous me faites pisser de rire et Thomas qui dit à cause de vous, je vais encore me réveiller en retard pour demain matin à 6h mais c'est pas grave, j'aurai passé une bonne soirée en votre compagnie. Ah ouais, 6h ça va faire tôt par contre. Ouais. Et courage Thomas, hein. Excellent aussi, c'est Angelo qui dit ça. Je suis mort de rire depuis tout à l'heure et puis Orlan qui dit les mecs on vous écoute avec mon copain, c'est juste excellent, vous êtes géniaux. Gros bisous, merci Orlan. Il y a aussi sur le Twitter là qui vient d'arriver Bélisélien qui dit la meilleure émission de radio du soir quand même, il est important de le souligner. Eh ben c'est gentil, merci à toi sur Twitter et merci à tous les nouveaux qui viennent d'arriver également sur le Twitter. Je rappelle que il y en a plein qui veulent me follow, donc du coup moi je fais le follow back comme promis et puis il y en a qui mettent en attente, ces gens ils doivent valider, les mecs ils se la ramènent grave là les mecs pour le coup là quand même. Bon donc du coup on va continuer hein. On attend ouais. Simplement là on attend hein. Les autres si vous voulez venir nous rejoindre n'hésitez pas, vous allez sur twitter.com là, vous tapez Mickaël officiel, vous me faites un follow et pareil je vous follow back derrière, donc ça me paraît un bon plan. Voilà, c'est comme ça, on peut s'envoyer des messages ouais, privés, tout bien. C'est cool. Et j'y réponds la soirée, la nuit surtout, et le matin également. Là, voilà, Kevin aussi qui dit, I need un petit coup de lance-flamme pour me réveiller. T'inquiète. On va te mettre dans ta gueule. Allez, hop là. Ah là, ça c'est fait. Marie aussi qui dit merci d'occuper nos soirées, vous êtes géniaux. Merci Marie à toi et Charlotte qui a envoyé un message. Franchement Mickaël, je te kiffe, tu déchires, continue comme ça. Merci pour vos messages. Bon allez, retour avec Coralie. Pendant ce temps-là, on a perdu Adrien, on va le rappeler là. Coralie, alors de Normandie. Oui. Bon, alors, dis-nous, toi, on parlait de l'espionnage, parce qu'on est tombé sur une info comme quoi il y a une Brésilienne qui a pris une application là, qui cartonne apparemment, et donc elle permet de savoir où est son mec. On peut également voir la copie des messages qui ont été envoyés, on peut voir où est-ce qu'il se trouve, puisqu'on peut faire fonctionner la caméra à distance sans que le mec s'en rende compte, ou la fille, peu importe. Et alors, en plus, on peut faire une conversation téléphonique sans que le gars ou la meuf s'en rende compte, puisqu'on peut prendre le téléphone en main juste pour entendre ce qui se passe. C'est quand même assez hallucinant. Et donc du coup, je voulais savoir chez toi, Coralie, est-ce que t'as déjà fait ça ? Est-ce que tu kifferais le faire ? Tout ça, quoi. Ouais, franchement, l'application, elle est pas mal. Mais surtout, bah, y a pas de mais en fait. Ah d'accord, ok. Il y a un petit mais dans le sens où ça se fait pas quand même, parce que c'est bien que chacun ait sa vie privée quand même. Ouais, bon, ça se fait pas. C'est mieux que chacun puisse aller voir ailleurs quand il veut, quoi. Voilà. Ouais, ça c'est bien aussi, mais quand même, quoi, quand t'as des sentiments, c'est pas cool non plus, quoi. Non, mais bien sûr, évidemment. Maintenant, si tu le fais, c'est qu'à un moment, t'as pas confiance, parce que tu vois, moi, je le ferais pas, par exemple, je m'en fous, je sais très bien qu'il y a pas de problème. Voilà, c'est ça. Mais bon, quand tu vois ta meuf rentrer, alors que d'habitude, elle vient se coucher direct, et là, elle se prend une douche et tout avant d'aller se coucher, tu te dis, bon, bah, l'application, elle peut servir. Elle peut se prendre une douche avant de se coucher parce qu'elle est propre, tu vois. Ouais, ah là, moi, je suis une crado, moi. Moi, je me lave jamais. Alors, comme ça, je suis tranquille. J'ai les pieds qui schlingent. Exactement. Je me suis pas démaquillé, je vais dans le plumard. C'est genre un peu de croûte en dessous des pieds, etc. Mais oui, il y a que ça de vrai. Mais oui, évidemment, c'est ça. Non, mais sérieux, après, si t'as des soupçons, autant lui demander directement. Bon, normalement, il ou elle va te mentir. Bah voilà, c'est ça, ils vont mentir. Oui, mais après, tu peux vite les choper, tu vois. À force de poser les mêmes questions, le problème dans un mensonge, c'est que tu oublies très vite ton mensonge. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu vas dire un truc, puis après, le lendemain, tu vas dire autre chose, et au final, tu vas commencer à te perdre totalement dans ton mensonge, et puis voilà. Ouais, mais t'as des gens qui sont bien manipulateurs, hein, qui se perdent pas dans leurs mensonges. Ouais. Après, c'est vrai, il y en a qui sont peut-être plus doués que d'autres, effectivement. Ouais. Mais t'as déjà vécu ça, toi ? T'as déjà trompé ton mec ? Non, ta meuf, pardon. Non, j'ai pas trompé ma meuf. Jamais. Elle m'a trompé par contre. Avec un mec en plus. Non, avec une meuf. Ah, la salope. C'est bon, ça. C'est dégueulasse. Et avec une hétéro en plus. Oh là. En plus. En plus, c'est grave ça. La honte. Ouais, la honte. Ouais, abusé, quoi. Ah, c'est dommage que tu sois que tu préfères les meufs qui aiment les meufs, parce que Toff, il était déjà bien là. Moi j'étais chaud, moi j'étais prêt. Ah ben 26 ans. Combien mesures tu crois ? Allez, pour le kiff. Ouais, désolé, moi j'aime que les femmes. Ouais, mais c'est pas grave. Combien mesures tu crois ? Toff peut se castrer si tu veux. Je vais aller faire une opération aux hormones. Voilà. Bon bah y a pas de soucis. On la marte au piqueur. Voilà. Combien mesures-tu, Coralie ? 1m70. Combien pèses-tu ? 65 kilos. Quel est ton tour de poitrine ? Un petit 85B. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté ? 42. C'est du gâchis. Ah ouais, c'est gâchis. Attends, je prépare Mais déjà non, les travaux c'est là. Gâchis. Je prépare déjà les travaux, attends. Vas-y. Ah, c'est bon, alors on enlève. J'aime que les petites poitrines, hein, donc il faut quand même un peu de pain. Ouais, mais mais t'inquiète pas, t'enfiles une petite. Ouais. j'ai une petite poitrine et un gourbide. Voilà, c'est ça. Donc comme ça, t'es tranquille, t'auras un bon coussin. Ah mais voilà, non, mais c'est vrai. Ouais, ça rebondira bien, tu verras. Exactement. Ah, bah, bon, c'est bien quand il y a des formes et que ça rebondit un peu. Ouais, mais oui. Tu vois. Par contre, faut tout épiler, hein. T'inquiète. Ouais, ça c'est pas un problème, il peut faire, hein, c'est pas un souci. C'est pas le plus compliqué dans la relation là. Mais pour on le l'a coup. Déjà cramé tellement de fois qu'il y a ouais, plus de poils là. C'est vrai, attends, il en reste encore un peu des poils là, tiens. Attends, vas-y, enlève là. Ah ouais. Voilà, il y a Koala aussi qui dit je lutte contre le sommeil pour vous écouter, c'est la première fois que je vous écoute, je vous kiffe. Eh merci Koala, sois la bienvenue, allez vas-y, je suis sûr que tu vas pouvoir y arriver à rester jusqu'à 2h là, sans déconner. Flo qui dit ça manque du pipeau de polo. Ah non, il l'a fait déjà plein de fois, ouais. Faut qu'il se repose aussi. Hein. Ah oui. Il y a un message de Off aussi qui dit tu lis ce qu'on t'écrit à la radio. Oui, j'ai un peu le concept, effectivement. Off, sois le bienvenu, en tout cas si tu viens de débarquer. Julien qui dit les nuits passent beaucoup plus vite avec Mickaël. Ah oui, effectivement, surtout si vous restez avec nous. Jusqu'au bout, effectivement. Bon, et donc plein de messages aussi qui sont arrivés. Où est-ce qu'ils sont je les ai perdus, tiens. Par rapport à l'espionnage. Je les ai paumés, merde. Bon, bah, je vais essayer de les retrouver dans un instant, je vous les lis. En direct sur Fun Radio, génial émission, je me marre trop. Gros bisous, c'est Orlan. Et puis Lorraine qui dit, ça m'énerve que vous parlez de couple, j'ai jamais eu de sérieux, je suis jalouse. Et Chloé qui dit, The Radio du soir. Merci Chloé. Mais tu vas trouver, t'inquiète pas, tu vas trouver un mec. Au pire, il y a toujours toi, Fiel, hein. Mais oui, moi je suis toujours disponible. Oui. Voilà. Totalement disponible, évidemment. Bon, ben merci Coralie en tout cas d'être passé. Je te fais des gros bisous. Bah merci, salut. Et à bientôt, Coralie. Salut à toi, ciao. On aura Kevin et Philippe dans un instant. Tiens, vous êtes là tous les deux ? Je regarde, mais. Philippe ? Ah, il y a Kevin. Ouais, il y a Kevin, ça j'entends. Et Philippe ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh putain, il est sur le planète. Bon, Kevin, tu nous appelles pourquoi, toi ? Après, moi, je t'appelle parce que je veux faire le record du monde. Très bien. Mais on la connaît pas vraiment la meuf. Bah, hein. On la connaît pas vraiment la meuf, hein, effectivement. Bon, enfin bon, c'est pas grave. On va te reprendre. On va te reprendre dans un instant. La bouge pas. On aura Valentin aussi là. Et puis on va se faire le son de Sean Paul maintenant au cœur de plus d'une heure sans pub sur Fun Radio. Sean Paul avec Other Side of Love. Bonne soirée. Prenez le contrôle de Fun. On est là jusqu'à 2h. Profitez-en. Baby, you don't have to keep looking, 'cause you'd already know. Ah, il y en a plein qui sont en train de ils arrivent pas à se décider là, est-ce qu'ils vont rester, est-ce qu'ils vont pas rester sur Fun Radio. Ben oui, mais vous allez rester, oui. Évidemment. En plus, vous savez quoi, je vous mettrai tout à l'heure avant la fin de l'émission la petite chanson de fin, j'ai oublié hier d'ailleurs. Ferme ta gueule de merde. Toi l'enculé. Ouais, l'enculé. Voilà, je vous la mettrai tout à l'heure, donc il faudra rester là. Dans un quart d'heure, on clôture le bordel. Et puis surtout, attention, là, on va aussi vous offrir votre Samsung Galaxy dans moins de 15 minutes sur Fun Radio. Si vous voulez le choper, à vous de jouer. Vous devez simplement faire un like maintenant sur la page de l'émission, hein, facebook.com/mikaelofficiel. Et vous faites un like également sur la photo où il y a le Samsung Galaxy. Si vous êtes tiré au sort parmi les likers et les partageurs, là, bah, n'hésitez pas. Vous allez pouvoir repartir avec le Samsung Galaxy dans moins d'un quart d'heure. Donc je vous souhaite évidemment bonne chance. Yaya encore là sur le Facebook, je vous kiffe sérieux, maintenant tous les soirs ce sera Fun Radio avec vous. Bisous de moi et comme on dit, vous avez le sexe. Merci Yaya. Big Belly aussi, 97 qui est trop dommage que ça dure que de 23h à 2h, j'aimerais vous écouter H24. Non mais parce qu'après tu serais peut-être lassé, tu vois. C'est comme au début quand tu kiffes une meuf, ouais. Faut pas être trop non plus dessus. Pareil pour les mecs, parce que du coup il y a un moment on se lasse, tu vois. DJ Kylian qui dit alors je reste, parfait, bah, sois le bienvenu. Mickaël, sortant d'une histoire compliquée, nous voulons pas recommencer. Tof, ça te dit? Mais bien sûr, moi si je peux rendre service, c'est toujours avec plaisir. Bah évidemment, il y a Teta aussi qui dit ce qui aide bien mon retour de vacances, c'est de pouvoir vous écouter, content de vous retrouver, vous cartonner, gros bisous à toute l'équipe. Merci Teta qui vient de débarquer aussi sur le Facebook. Et Dominguez encore une nouvelle qui dit l'espionnage c'est pas mal, mais c'est quand même. Attends, c'est quoi? C'est mal, mais bon, c'est quand même pas mal. Merci Dominguez, hein, toi aussi, mal, tu n'as pas l'air bien mal. Clair dans ta tête. Et Marion qui dit allez continuez comme ça, vous êtes géniaux. Non mais allô quoi. Si tu n'écoutes pas Fun de 23h à 2h, c'est que t'as raté ta vie. C'est un peu ça, effectivement, ouais. Bon, il y a Antoine aussi qui voulait réagir, là. Antoine qui est avec nous sur l'espionnage, là. T'es là, Antoine? Ouais, je suis là. Bon, bah, nickel. Alors, Antoine, 19 ans, donc de Rouen. C'est ça. Dans le 7-6. Et l'espionnage, tu voulais dire quoi exactement? Donc, je voulais dire, parce qu'une fois, j'avais regardé un documentaire à la télé. Ouais. Et en fait, il racontait que donc l'application en France n'allait pas sortir, comme vous le disiez. Exactement, ouais. Et en fait, j'avais regardé un truc et une nana qui était obsédée par son mec, elle avait peur que son mec la trompe. Ouais. En fait, elle avait réussi à piquer son téléphone qu'elle avait amené à un magasin spécialisé là-dessus. Et en fait, le mec, dans le téléphone, il avait installé une espèce de puce. Et en fait, ça fait exactement la même chose. Elle pouvait observer ses messages, ses appels, elle pouvait activer sa caméra, exactement c'est pareil, bon. Sauf qu'en fait, c'est pas une application. Mais après, faut juste choper le téléphone de la personne et l'amener à la personne. En fait, la personne met une espèce de puce dedans. Ça, c'est pas compliqué de choper le téléphone, tu vois. C'est genre, il dort, il est oublié au travail, tu vois, il est oublié, tu le planques exprès, il se barre, il l'oublie, c'est pas grave. Donc, c'est pas encore le plus compliqué, quoi, à la limite. Ouais, voilà. Hein, c'est pas mal. Attends, il y a aussi Adrien qui est avec nous, là, d'Orléans. Salut, Adrien. Ouais, salut. Salut, ça va? Ouais, impeccable. Bon, bah, bienvenue à toi, Adrien. Toi aussi, tu voulais réagir par rapport à l'espionnage? Ouais, effectivement, ouais. Alors, vas-y. Bah, écoute, moi, j'étais avec une fille pendant un an et demi, si tu veux. Ouais, bah, moi, c'est comme tu veux, hein, bref, moi. Et si tu veux, au bout d'un an... Ouais, bah... comme je veux, quoi, c'est pareil. Bah, moi, je prendrais 2 ans, si je veux. Ah, on a le choix. Bah, oui, on a le choix. Donc. Vas-y, Adrien. Au bout d'un an, bah, j'ai eu des doutes sur elle. Ah non, moi, je veux pas. Tais-toi. Ce que je sais, c'est que voilà, je savais qu'elle utilisait mon ordinateur portable pour aller sur Facebook. Ouais. Que j'ai installé un enregistreur de frappe. Voilà. Ah, c'est bon ça. Donc ça veut dire qu'en fait tout ce qu'elle tapait sur le clavier, en fait tu pouvais le voir. Donc mot de passe, voilà. Login, message, tout ça quoi. Même l'heure à laquelle elle était connectée, tout. Ah, c'est bon ça, c'est bon. Ah, sinon il y a le truc, ça existe, hein, le localiser mon iPhone là. Si, bah, pour évidemment, faut avoir le mot de passe de la personne, mais on peut voir aussi où elle se trouve. Mais c'est tout ce qu'on peut faire a priori, hein. On peut pas regarder. C'est toujours bien quand tu dis à ton mec, bon alors tu fais quoi là? Oh, je vais me coucher, je suis crevé. Quand ouais. Tu vois le mec, il est en boîte quoi. Non mais oui, c'est vrai. Ah oui, c'est les parents aussi qui utilisent ça. Bah ouais. Exactement, c'est pour ça, méfiez-vous. Si vous recevez un iPhone ou un iPad de, vos parents, il y a anguille sous roche. Cadeau empoisonné, attention. Ça peut être une enfume, méfiez-vous quand même. Il y a l'essai qui dit première fois que je vous écoute, vous déchirez. Bah, merci l'essai, et puis sois le bienvenu également sur Twitter. Oublie pas de prévenir tes potes qu'on est là tous les soirs de 23h à 2h du mat et le dimanche soir également de 20h à minuit sur Fun Radio. Et Little Princess qui dit j'ai trouvé la perfection, Michael. C'est vrai. Merci Little Princess, c'est... Et il y a l'ordure là, Tof. Tellement vrai, évidemment. Et puis Clara qui dit les gens sont des psychopathes et la confiance, ils connaissent. Oui, mais voilà, après tu peux avoir confiance, mais ça t'empêche pas de vérifier quoi. Juste pour être sûr que tu donnes bien ta confiance à quelqu'un qui le mérite. Tu peux avoir confiance, mais ça t'empêche pas de vérifier. C'est énorme. Ouais, c'est juste pour être sûr quoi. Mais non, mais c'est ça, tu vois, c'est juste pour être certain que tu donnes ta confiance à quelqu'un qui le mérite vraiment cette confiance. Bah oui. Bah oui, bah moi ça me paraît clair en tout cas dans ma tête, hein, mais bon après. Bon, bah écoute, bah Adrien et Antoine, merci en tout cas hein, pour vos messages et puis bah vous revenez quand vous voulez sur Fun. Ouais bah merci, je fais une dédicace. Allez vas-y, profites-en, fais-en une seule hein. Ouais bon bah je fais une dédicace, un ami Tsunade, elle se connaîtra. Très bien, bah le message est passé alors, ça roule. Salut à toi Adrien, bientôt. Salut. Ciao, merci Antoine, à bientôt. De rien, y'aura moyen d'avoir un pack Fun. Ouais, bien sûr, tu vas gérer ça avec Sandro, je te la passe. Ah, si, merde, vous gérez. Salut Antoine, à bientôt, ciao, bye bye. Bon, et puis on a Kevin et Philippe là, alors vous êtes là tous les deux? Ah, y'a plus personne. Ah, Kevin et Philippe? Ils sont endormis. Ouais, c'est peut-être. Philippe. Ah, c'est Philippe? Oh, Philippe, il est chaud. Ouais, je suis là. Oh, t'es là, très bien. Et Kevin, il est là, Kevin? Bah, je sais pas, ouais, Kevin, c'est pas moi, gros. Allô, allô? Ah, il est là, ils sont tous les deux là, c'est parfait. Ouais, il est là aussi. Bon, bah oui, ils sont tous les deux là. Bon, vous nous appelez pourquoi, les gars? Bah, c'est bien, on est tous les deux là. Moi, je veux le temps de contour du monde, dedans. Et toi, Philippe, t'appelles pourquoi? Ouais, parce que je voulais un petit peu rebondir sur la fume, tu vois. Sur quoi? La fume. La fume. Ah, il fait rigoler, Philippe. Parce que je trouve que c'est quand même moins malsain que tous les médicaments qu'ils nous donnent. Ouais. Et l'alcool qui est déclaré, tu vois. Bah ouais, tout ça est très clair. Oui. Mais ouais. Toi, par contre, tu l'as un peu trop faite, là, la fume ce soir. Hein, tu l'as... Oui, mais par contre, ça fait plus de bien que l'alcool. Ça fait surtout plus d'effet, a priori, quand même. Hein. Non, c'est pas l'effet. Si, fais pas confiance, c'est un peu d'effet quand même. Hein. Je viens. Ouais. Mais c'est beaucoup plus thérapeutique. Ah, attends, Philippe. Philippe. Ouais, je t'écoute. Eh, compte après moi. 1, 2, 3 et puis 4. Eh, quand même, il y a un peu de réflexion, mais c'est passé. 10 plus 10. 20. 10 fois 10. 100. 10 fois 0. 0. Pas mal. Non, il suit, c'est pas mal. Ouais, il est là, Et t'es en train de me prendre pour un bouffon ou quoi, là? Mais oui, je ta mère, moi. Mais oui. Et après de me prendre pour un bouffon, moi je t'appelle, c'est correct, tu vois. Bah moi aussi, après je suis correct. Après de me prendre pour un bouffon au niveau de la radio. Ah, ah mais, sois correct. Sois correct, ok. Eh, hey. Hein, Philippe? Philou. Philippe. Ouais. Mais bon, on faisait un jeu là. Mais oui, on vérifiait si t'étais clean. Voilà, c'est tout. Pas besoin de s'énerver. Mais il est pas vraiment, hein. Philou, tranquille. Bah oui. Bon, hey, Kevin. Oh. Bon, toi, tu voulais te taper les meufs là. Bah moi, je veux. Non, on t'appelle la meuf. Ouais, tout. Ah tout, lui, il prend tout ce qu'il y a, lui. Oh, non, mais pas toi, tu voulais réagir par rapport au. Tout. C'est la polonaise là qui veut faire 100 000 mecs. Ouais voilà, moi je vais faire juste une dédiée à Piranha, cette famille. Très bien, bah le message est passé. Bah du coup c'est pas avec ça que tu vas te taper la meuf avec les 100 000 mecs. Bon, enfin bon, on aura fait ce qu'on a pu. Je vais me taper la meuf avec mon collègue aussi, il est chaud là. Eh ben très bien, bah écoute, on va te filer le Facebook de la meuf alors. On l'a ou pas? Non, mais passe pas Facebook, il y a un site. Ah, y a un site, bah voilà, comme ça tu. Et elle te dit quand t'es dans le coin. Eh bah voilà, comme ça t'as le site, Kevin, bah tu vas gérer ça, tiens, je te repasse chez Sandro au standard. Et puis il y a Valentin aussi qui est avec nous là de Rouen. Salut Valentin. Salut. On a eu les deux d'un coup là, comme ça on est tranquille, je pense qu'on a fait l'année. Alors, Valentin, toi tu nous appelles pourquoi? Dis-moi, sois le bienvenu. Alors moi j'appelle pour faire parler un peu de ma personne et de ce que je fais sur YouTube aussi. Ouais. Mais un peu de divertissement. Parler de ma personne. Fais du divertissement. En quelle année sommes-nous, Valentin? Là, on doit être à peu près en 18e siècle. Ah oui, voilà, non mais ça me rassure. Je veux parler de ma personne. Non, mais cool. Non, bah, je me présente hein, quand même. Je m'appelle Valentin. Bah, salut Valentin. Van avec deux N surtout. J'ai 16 ans et je suis vidéaste, comédien, humoriste et surtout heureux d'être ici avec vous ce soir sur Fun Radio. Oh bah c'est gentil Valentin, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, dis-moi? Ouais, bah voilà, donc j'aurais voulu, si jamais les gens étaient tentés, j'amène un peu de divertissement pour parler de ma chaîne YouTube surtout. Ah bah d'accord, j'adore le divertissement. Et qu'est-ce qui se passe le divertissement là? Est-ce qu'il y aura des réclames tout à l'heure? On dit souvent que on appelle ce terme-là la pub, si vous voulez. Ouais, c'est ça, c'est la pub, ouais, publicité. Mais moi j'aime pas ce terme-là, je trouve que ça fait rien. Alors tu préfères réclame? Non, divertissement c'est très bien. Ah bah voilà, non mais c'est pas pareil, hein. Divertissement et la pub c'est pas la même chose, hein. Non mais quand on dit je viens faire de la pub, je préfère dire j'amène des divertissements si tu veux. D'accord. C'est plus clean. On est rentré dans une faille spatio-temporelle depuis 5 minutes là, je sais pas ce qui s'est passé. Moi je trouve que c'est ça mais... que tu as invité ton bouffon et ton troubadour à venir. Mais oui, exactement. Je me suis limite endormi là. Ah. C'est une heure que. Le bouffon Toff. Mais oui, attends, il y a Toff qui va t'aider à vendre ta page YouTube, Valentin. Mais oui, mon bon Valentin, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Valentin? J'ai demandé votre page. Bah allez tous, je attends tout au message, allez-y sur ma page YouTube Valentin Van, V-A-2-N, sur Twitter, Facebook. Mais il y a quoi? Y a-t-il? Il y a quoi dessus? Il y a des vidéos de comédie, de montage, vous pouvez trouver de tout. Ouais. Ah ouais, Valentin Van sur YouTube, on va aller voir mec, si c'est nul on va en démonte. Ah bah si c'est nul faut pas regarder, si c'est nul ça sert à rien mais voilà quoi. Non mais c'est pour te dire, j'espère que c'est drôle comme parce que t'es en train de vendre des trucs genre divertissement, c'est drôle et tout le bordel. Donc nous on va aller voir tout à l'heure. Ah bah non. Ouais. Mais j'espère que ça va être bien. C'est du montage tout ça et normalement, je veux pas me vanter mais j'essaie de travailler un max pour essayer de voir du contenu propre. Et quand je vois que certaines personnes sur YouTube font vraiment des vidéos pourries et non travaillées, réussissent beaucoup plus et ont je sais pas combien d'abonnés. Alors que toi tu travailles quoi. Ouais, toi tu fais de la vidéo propre alors qu'eux ils font de la vidéo sale quoi. Ouais voilà c'est ça. Ouais, et ils réussissent plus donc c'est pour ça que je viens un peu parler. C'est du gonzo. Bon bah écoute, bah alors Valentin Van sur YouTube, hein, donc allez voir quoi. Eh c'est de la porn van que tu fais. Ouais. C'est ça. C'est du caviar de van. Très bien. Bon bah écoute, le message est passé Valentin, hein. J'espère qu'on a pu faire un peu de promo pour toi. Ouais ça roule, bah c'est super cool. Bah écoute avec plaisir, on mettra même le lien sur le Facebook si on se marre. Eh ben, ça c'est génial, mais c'est pas forcément très drôle, c'est plutôt du montage. C'est de l'entertainment, dis-toi. Bon, c'est du montage. Si c'est de qualité, on mettra sur le Facebook. Voilà, de qualité, t'as trouvé le terme. Très bien, parfait. Non mais voilà, c'est qualité, hein, c'est ça. Hein. Voilà, l'humour, je le mets pas sur YouTube, ça je le gère à part. D'accord, très bien, mais comme ça au moins on saura. Bon, ben très bien, ben merci Valentin. Eh ben bonne soirée. Eh ben pareil, hein. Salut à toi Valentin, ciao, bye bye. Ouais. Bon, eh ben y a plein de messages qui sont arrivés aussi, tiens, il y a petit panda, on va appeler aussi dans un instant le gagnant là sur le Facebook pour le Samsung Galaxy bien évidemment. Le Samsung Galaxy qui était en jeu là, il est 1h58 donc vous pouvez encore si vous voulez tenter votre chance, il suffit simplement d'aller, il vous reste 1 minute 30 pour tenter votre chance. facebook.com/mikl officiel. Il y a petit panda qui dit bonne nuit mes chouchous, je vous aime. Merci petit panda. Dimanche, enfin à demain j'espère. Il y a Miss Sizi aussi qui dit à Philippe, il est énorme. Ah ouais, lui était au taquet. Hein. Il y a Jenny aussi qui dit mon homme est parti se coucher en râlant car je préfère vous écouter qu'aller me coucher avec lui, vous déchirer. Oh, c'est bon. Oh, bah, il va être content, tiens, Jenny, effectivement. Par contre, on va se faire insulter. Hein. Ouais, tu préfères écouter ces connards là, machin. C'est parce que quand même, un homme, quand il est vénère, pareil pour les meufs. Hein. Elle le trompe avec nous. Ouais, c'est ça. Ça, c'est beau. Je suis un peu son amant, quoi. c'est cool. Merci, GG. Baba aussi qui dit ouais, l'équipe, vous êtes génial à demain. Swaggy Love qui dit fun, c'est vrai que c'est Fun Radio la plus cool au monde avec des auditeurs parfaits. Mickaël à la magnifique DJ à la hauteur, je vous kiffe. Merci Swaggy Love. Et Gabriel qui dit on peut pas dormir avec Mickaël, c'est trop bien. Kevin qui dit on a été défoncé sur Fun ce soir. Oh, il s'est au taquet là. C'est-à-dire que les 10 dernières minutes, on était quand même dans une faille assez particulière. Ouais. Je sais pas si vous vous en êtes rendu compte, je pense que oui quand même. Chloé aussi qui dit soirée déchire trop avec vous. Merci Picasso qui dit bref, à demain, merci pour la soirée avec grand plaisir. Et dans un instant, juste après la chanson évidemment de fin, nous allons appeler le gagnant ou la gagnante. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu ne veux plus dormir ou bien manger car t'as vu ton oncle toute la journée. Pipo. Qu'est-ce qui se passe ici? Quel cochon. Que veux-tu? Tu crois qu'elle paraît tough? Allez, attention à la finale. Enculé. JB est perturbé là. Des enculés. Voilà pour terminer, c'est ça la vie là. Qu'est-ce qu'il y a là ici là? Bon, allez, on va prendre le gagnant maintenant sur le Facebook. Là, vous étiez nombreux à vous inscrire. Hein, normal en même temps, c'est un Samsung Galaxy. Allez, c'est parti, on y va. On appelle le gagnant ou la gagnante. Si la personne qu'on appelle maintenant, eh bien, décroche, ce sera gagné. Allez, c'est parti. Allô. Allô. Allô. Oui, allô. Allô, bonjour. Comment tu t'appelles? Jérémy. Et salut Jérémy. Eh, hey, tu t'es inscrit pour choper le Samsung Galaxy là? Ouais, c'est ça. Ouais. Eh ben voilà. Allez, t'as fait le wou en plus comme Kesha, c'est bien ça. Bon bah parfait, bah voilà, merci. Samsung Galaxy, merci, il est pour Michael, toi. Merci. Avec plaisir, tu vas rester au standard, on prend tes coordonnées. Salut, salut. Ciao Michael. Allez, ciao à toi, bye bye. Bon bah on remet le couvert demain, peut-être pas avec Samsung Galaxy, on verra bien avec, avec ce qu'on a quoi, tout simplement. En tout cas, merci d'avoir été tous là ce soir. On se retrouve évidemment demain en pleine forme à partir de 23h évidemment. On salue également Big Billy, il y avait Kevin, il y avait Gabriel, il y avait Marie également qui était connectée ce soir. La Marie qui dit merci pour tous ces bons moments, vous attendre à nouveau. C'est juste magique, les horaires vont être durs, mais comme c'est vous, le choix est vite fait. Merci Marie. Il y a Skeleton également, il y avait Tota, il y avait Léa, il y avait Le Prince, il y avait Nadia, il y avait Dominguez, la nouvelle également, Jordan, Valentin, Philippe, etc., etc. Merci à vous toutes et tous en tout cas. On se rencarde demain à partir de 23h sur Fun. Ciao tout le monde. 23h, 2h. Fuck Mickaël, no limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Yes. Et puis là, il y a JB qui va débarquer là, qui salut. Vous apparemment, avez vu que c'est derrière moi. Qu'est-ce qu'il fout là, Karel, encore là? Non, en fait, c'est moi. C'est Karel, je prends la place de JB, là, j'ai envie de faire un peu de radio. Ok, d'accord, donc, si je, tu veux. Je me propose de faire le 2h-6h en attendant Bruno Guillon. Très bien, écoute, tu es ici chez toi. Et en fait, plus ça va et plus je me dis que je vais y aller, finalement. Ouais. Je vais laisser JB opérer parce que le mec s'est réveillé il y a quand même une demi-heure. Mais ouais, ouais, ouais. Il est dans un état qui est déplorable. Mais qu'est-ce qu'il a bouffé ce soir, là? Parce que hier, il avait mangé, qu'est-ce qu'il a bouffé T'avais mangé quoi là avant de dormir? C'était une côte de veau hier. Le mec ne va pas bien. Le mec, une le côte mec de ne veau. Va pas bien. Une côte de veau. Et toi alors et ce soir t'as mangé quoi? Ah, ce soir c'était un carpaccio. Ah, un carpaccio. Ouais. Ok. Bon bah très bien. On fait des transitions antennes sur l'aspect culinaire. Ouais ouais ouais ouais ouais. D'accord, non mais okay. Très bien. Bon, c'est parfait. Non mais on fait ça. Bon bah Lovin Fun demain à partir de 20h. Hein. Ouais. C'est ça. Ah, Carrie, il est tellement kiff à Fun là, il est jusqu'à 2h. Il s'en fout, il a rien à foutre. Et au taquet. Ils sont là. Tu... Ouais, Carrie va là et toute l'équipe est là. Allez, well doc. Oui, bonsoir. Oui. Le doc est couché, hein, ça va. Mais non, il peut pas dire jusque-là. C'est totalement faux, je suis présent avec vous. Il travaille le doc, le coup. Mais non, je suis là. Ce n'est pas sale, si vous avez des questions. Pas Mickaël, on sait jamais. Bah attends, si, quand même. J'espère que si, on sait jamais. Attends, et quoi? Ah, t'es en kiff sur le doc alors, tous les soirs, s'il fait la même voix, donc. Non, je peux pas. Je peux pas avouer ça pas. Maintenant. Très bien. Bon, ben, regarde demain. J'y vais au taquet, là. Oh, ça sent l'alcool. Je te remets la petite musique au taquet. Ah ouais, putain, et comment vous expliquer? Eh, mais ça, c'est Lilou, hein. Eh, Lilou, mais d'une force. Non, mais Lilou, t'es sérieuse? Eh, Lilou, à ton âge. Non, ça va. Lilou. Une enfant. Lilou. Oh putain. Lilou, approche-toi du micro. Souffle dans le micro. Souffle dans le micro. Souffle. Pas du tout. Oh là là, on se croirait dans une boîte, dis donc. Oh là là. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Non mais c'est sérieux ça? Regarde-moi. Moi je n'attends qu'une seule chose, c'est ton mojito. Ouais, bah il arrive, il arrive. Il y a quelques jours sur Instagram. Non, je lui ai dit tout à l'heure, je devais le faire tout à l'heure le mojito, mais il manque un ingrédient. Enfin un ingrédient. Je peux les acheter, c'est pas le problème, mais j'ai un truc particulier que je mets dedans et que j'ai trouvé, que je trouve pas ici. Mais non, j'ai trouvé au Costa Rica, je vais pas le ramener. Truc en plus de Mickaël. Voilà, exactement, c'est un mojito guajo. Voilà, vous allez voir, c'est de la tuerie. Mais bon, je l'ai à Bruxelles, alors on va pas faire les retours 15 photos, fois. Instagram, bah, évidemment, Instagram, lundi soir, vous allez voir, Love in Fun va être d'une ça va être une émission particulière lundi soir. Ça va être carré, elle fait hey, ça va être tranquille ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Très bien. Bon, je te remets la petite chanson, JB, pour toi là. Allez, vas-y, c'est pour toi, JB, là, et on y va là. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Poupe des bites, t'as fait sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton oncle, y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. C'est toi qui encules ton oncle, t'es un enculé. Tu ne veux plus dormir ou bien manger, car t'encules ton oncle toute la journée. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce sera le générique de JB. Qu'est-ce qui se passe ici? canadien. Allez, attention, tout le monde ensemble, toute l'équipe de Levin Fun est au taquet. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Allez, tous ensemble. Toi l'enculé. Parce que si c'est pas l'enculé, t'aimes tellement ça te faire enculer. Et toi t'en enculé. Oui, tous les deux, on est les enculés. Attention. Pousse ma bite. Voilà. Eh ben voilà, comme ça c'est terminé, tiens. JB, il a jamais eu autant de monde pour l'acclamer là. Ça c'est la folie quand même. Hein. Ouais, c'est quoi ton premier titre ce soir là? C'est Stromae. Ouais. Allez, on va se marrer. Hein. Par contre, c'est moins ambiance hein, tout de suite. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, allez, tous ensemble là, pour JB, là, attention. Allez hop là, on applaudit tout le monde. JB, bravo, là au taquet. Et il sera là jusqu'à 6h. JB, JB, JB, JB, JB, JB, JB, JB. Je vais caler l'intro comme ça. Voilà. JB, voici Stromae sur Fun Radio. Non, c'est nul, recommence. Voilà, refais-la. On ne peut pas dire qu'il y a le Vin Fun demain à 20h, nous à 23h. JB, JB, JB. À 6h, il y aura Bruno dans la radio. Et puis là, voici Stromae, c'est Papa Outé. Bisous les copains. Moi je réponds pas aux cons. Hein. Dites-moi. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver.